Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 28e numéro du podcast du collectionneur, le mec qui dit ses fiches. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Non, en plus j'avais oublié de changer de scène, c'est pour ça, il y a un petit temps de latence dans mon cerveau, mais tout va bien. Donc, salut c'est... tout le monde. Alors, on est tous à fond, je pense, ce soir. Ouais, tous sur ta caisse. Ça va être formidable. Ouais. Ce podcast qui est dédié ce soir à strictement personne. Voilà. Je pense qu'en cours de route, il y a quelques personnes qui vont tomber sur leur clavier. Il est dédié à la fougère. Il se reconnaîtra. Ouais, la fougère, oui. Voilà, la fougère. Voilà. Sache que si on te croise, t'es mort. J'ai entendu d'ailleurs qu'il sentait pas très bon. Bon, bref. On va arrêter les privés de jokes. Hein. Alors, donc, ce soir, on a prévu un podcast tout à fait putaclic pour inciter les gens à nous écouter. On va parler de la Super Nintendo Mini. en particulier, d'accord. On va parler des différents jeux de la console et du ressenti qu'on a, de l'expérience qu'on a eue quand on les a découverts, les jeux qu'on préfère, les jeux qu'on aime moins. Et parler de cette petite bête selon un célèbre dessinateur de sites de jeux vidéo, éclipserait ses grandes consoeurs en ce moment. Oui, de qui tu parles? Tu peux toi un grand dessinateur de sites de jeux vidéo, toi? T'en as de la chance. Lui-même. L'homme qui finit bien les planches. Oui. Ah, bon, encore une fois, les blagues privées, bon. Et donc, sur le coup, on a quand même... Hey, Monsieur Chou terminera le podcast en... Ok, non mais je vais arrêter la drogue. Ouais. Ouais. Ah oui, là oui, on va recommencer. Je suis désolé, je me suis totalement fourvoyé. Voilà, on coupera au montage, t'inquiète. C'est soir qui terminera le podcast en nous racontant. Ah non, mais après, Suchou, il veut faire. Non, c'est tout. C'est... Non, je l'ai préparé, c'est pour le coup. J'étais en train de lire Monsieur Chou sur ma tablette, et donc sur le coup, j'ai dit Monsieur Chou, mais c'est tout. Non, mais on coupera au montage, t'inquiète pas. On coupera au montage, ça sera dans le bêtisier. Vous vous inquiétez pas, le chat, vous entendrez pas ces conneries-là, hein, pas de problème. Quoi que. Et donc, sur le coup, Colette nous présentera un jeu tout à l'heure, en fin d'émission. Un jeu ou peut-être autre chose, on ne sait pas. Et j'ai hâte. Mais avant ça, bon, on a quelques petites news. Alors, par contre, ouais, ces deux dernières semaines n'ont pas été super folichonnes en nouveautés nouvelles. Bon, il y a quelques trucs quand même, ouais. Bah quelques trucs, la mode des mini, qui continue de popper à droite et à gauche. Manifestement, il y a des gens qui se sont dit que rechercher des vieux hardware, en faire une version miniaturisée et les mettre sur le marché, ça pouvait leur apporter du pognon. Et donc, sur le coup, on va avoir droit à un Commodore 64 mini. Et la pub était bien fichue, je trouvais. Le trailer de lancement, je trouvais ça assez bien. On commence par quoi? Ah bah déjà, est-ce que toi t'es content de cette annonce? Qu'est-ce que tu en penses? Notre spécialiste des vieux micros. Honnêtement, spécialiste non, tu seras toujours plus pointu que moi sur le sujet. Ça, ah mais j'ai dit notre spécialiste. Ah notre, oui spécialiste. D'accord, oui. Okay. Pour le coup, c'est déjà un peu plus accurate, on va dire ça comme ça. Bon, honnêtement, ces systèmes mini, j'ai fondamentalement rien contre quand les gens peuvent l'acheter en magasin sans avoir à passer par le marché noir. Ouais. Voilà, partie de là, je vais pas dire que je m'en moque, mais bon, c'est bien si dans l'idée, si le but de départ c'est tu vas redécouvrir des jeux auxquels tu as joué et tu vas les partager avec ta famille, tes potes ou quoi, ok, y a pas de souci. Si par contre tu en attends plus que ce qu'il y a dans la boîte, bon bah faut passer son chemin. Quoi. Mais enfin, le Commodore 64, elle avait déjà eu un truc comme ça. Et oui. D'accord. Ça s'appelle le C64 Direct TV, ou ça s'appelle aussi, il y a un autre nom, le C64 Plug and Play, qui a la particularité d'être un joystick avec 30 jeux embarqués, le fameux truc System on a Chip, et ça avait été développé, alors attention, je n'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr de ce que j'avance, par une ingénieure qui s'appelle Jerry Ellsworth, voilà, si je me souviens bien. Je sais qu'à l'époque... Ce truc avait été plutôt bien accueilli, d'ailleurs, je dois l'avouer. Le joystick, d'ailleurs, tous les jeux étaient donc dans un joystick. Le joystick, ça ressemble aux compétitions pro, pour ceux qui ont connu ce joystick. Il y a un très bon joystick. Et là, donc, je vois le Commodore 64 Mini. Le clavier est totalement factice. Ah oui, bah je me posais la question, tu vois. D'accord. Totalement factice. D'accord. Alors par contre, c'est totalement factice, mais ils ont quand même pris soin de renommer une touche The64 pour ne pas mettre le logo Commodore, parce qu'à mon avis, ils ne doivent pas avoir trop les droits de la marque. Mmh. Ok. Ouais, ouais. Donc, tu penses voilà. Que ça se fait un peu dans le dos de Commodore. Je dirais pas la sauvette, mais presque. Oh, c'est dommage que ce soit pas un vrai. Bah, d'ailleurs, le coup du clavier factice, moi je trouve ça, ça fait chier. Bah, après, vu que la taille, ouais. Vu la taille du clavier, finalement, vu qu'il est mini, je comprends. Alors, un du petit coup, peu. Il y a une chose que l'on peut se poser. Mais pour le coup, je vais apporter tout de suite la réponse. C'est une machine pour lancer 98% des jeux, il faut appuyer sur une touche du foutu clavier. Donc les jeux seront forcément modifiés un minimum pour pouvoir y jouer. Pour arrêter, je crois, tu as besoin de run stop et souvent espace pour démarrer le jeu. Et je vois en fait sur la photo de la manette, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'apparemment il y aurait 4 boutons. Mmh. Bon, pour le coup, je me dis, ouais, il y a 4 boutons, voilà, ouais. Il y a effectivement 4 boutons en fait derrière le joystick et on dirait il y a 2 boutons d'action et il y aura un 5e sur la base du joystick avec 5 boutons. Si tu prends un peu de temps pour remodeler un peu les jeux pour faire en sorte de pas être emmerdé, ouais, ça peut faire l'affaire. Donc apparemment, il y a 30 jeux dedans. Il y a quand même quelques classiques. C'est prévu avec une sortie HDMI. Oui. Donc, j'allais y venir. Donc, de l'HDMI, forcément, avec plusieurs filtres et options, à savoir Sharp Pixel, CRT, Skyline Émulation, et un mode Pixel Perfect, bien entendu. C'est Perfect. Il parle d'une émulation Commodore 64 Accurate, encore une fois. Sachant que déjà le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, le C64 plug and play, c'était déjà quelque chose qui marchait très bien. Bon là, apparemment, ça va supporter les safe states, pourquoi pas, et 2 ports USB sur lequel. Ah, ça, j'avais pas vu. Ah, par contre, là, ça pue. Ah. Je comprends pas. C'est marqué, donc je vais vous le lire. De ports cette émission USB, est préparée. Plug-in USB keyboard. And use as a fully functional home computer. Quoi ? Alors en gros, pour les 3 qui ont suivi et les 20 qui derrière n'ont rien compris, si tu veux utiliser comme un vrai Commodore 4, il faut que tu branches un clavier USB. Oui, j'avais lu ça par contre, ouais. C'est débile. Oui, donc. C'est débile, punaise. Voilà. Il va peut-être fonctionner comme un vrai Commodore 64. Ouais, à mon avis, t'auras un mode basique. Du coup, ça peut être rigolo. Après, ce que toujours pareil, l'utilité de ça quand on a aujourd'hui des émulateurs parfaitement fonctionnels. Allez, à la limite, je vais faire un peu le vieux grincheux. Ça va pas durer longtemps. Vous voulez jouer au jeu Commodore 64 sur une télé cathodique? Attendez la prochaine version d'RGBPi, qui là apparemment le Commodore 64, c'est au stade de bêta. J'ai testé ça cette semaine, ça marche très bien. Si vous voulez vous faire un délire, vous achetez le Compétition Pro USB, le joystick de la mort qui tue, et puis vous voilà, hein, vous êtes pas chier, vous branchez un clavier USB, et ça ira très bien. Mais pourquoi ils l'ont sorti en fait? Parce qu'on peut se poser la question. Hein. Ça sort de nulle part. Bah, c'est pour surfer, sur la vague mini, je pense. Oui, totalement. Et pour info, il y a donc 2 compagnies, je ne pourrais pas vous dire les noms et où ils sont basés, mais il me semble que ceux qui gèrent les droits Commodore sont basés en Europe, je crois que c'est en Angleterre, et ceux qui gèrent la marque Amiga, eux, sont basés aux États-Unis. Donc il y a encore des ayants droit pour ces 2 marques, ce qui explique pourquoi il n'y a pas la mention Commodore sur le clavier. D'ailleurs, sur le clavier, c'est juste marqué The C64 Mini, c'est tout. Après, on ne peut pas aucune mention Commodore. Même sur le site. En vouloir d'essayer de surfer sur la vague de ces consoles mini, parce que en termes de fabrication, ça coûte vraiment pas grand chose à faire. Totalement. Les marges sont énormes là-dessus. C'est pas, apparemment, ça va être vendu assez cher, de l'ordre d'une centaine d'euros, non? Je crois avoir vu 79$ ou quelque chose. 80€, d'accord. Ah, c'est un petit peu ambitieux. J'ai pas le prix. Il y a 30 jeux dedans, il y a quand même des classiques de l'époque. Je vais essayer d'en dire quelques-uns. Il y a Bounder, un jeu très, très, très, très, très dur. Non, mais c'est California Games. Ah, non. Tu connais Boulder Beyond? Non, du tout. Non. Okay, par contre, California Games, tout le monde le connaît. Hein. Ouais, mais il est graphiquement beaucoup mieux que sur Master System, la version auquel on a tout joué. Donc après, tu as quasiment tous les jeux Epics de cette époque, donc tu vas forcément retrouver Summer Games. Pour citer d'autres trucs, t'as Creature, j'ai dit en français, on va pas se faire chier, c'est bon en anglais. Ouais, t'as Speedball 2 aussi. Ouais, t'as Speedball, ouais. La version Commodore 64, je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Tu as Thing on a Spring, ouais, voilà, qui est un petit jeu assez rigolo et que beaucoup de gens aiment bien et moi j'ai jamais trop compris. Impossible Mission, le jeu qui m'a traumatisé. Oui, oui. Un et deux d'ailleurs. Oh oui, ça, je regarde très bien les souvenirs. Iridium, je vois que t'as un jeu de judo, ça va la rajouter pour le délire. Deux grands classiques. Jeu de judo, c'est un jeu de judo. Demande dans sa tête si Iridium c'est un jeu fini à la piste. Non, j'ai rien, je suis pas responsable de cette blague, d'ailleurs je ne suis pas là. Donc il y a aussi Monty Mole et Monty Underrun qui sont deux grands classiques de cette époque. On retrouve encore World Games et Winter Games. World Games aussi. Hein, ouais. Après y a, sur les 30 jeux, il y a finalement un peu de jeux que je connais. Oxymore vient de me faire marrer. Donc, ça peut être rigolo, mais faut mettre la garde quand même. Quoi. J'aime beaucoup la réplique. J'ai passé des heures sur California Games, notamment pour comprendre comment ça fonctionnait. Oxymore, on est tous dans le même. En plus, c'est... chose amusante. La veille où ils ont annoncé, le C64C, je testais pour la première fois California Games sur Commodore 64. Bon, il y a un écran de chargement façon crise d'épilepsie qui est très drôle, enfin très drôle si vous souffrez pas de crise d'épilepsie. Oui. Une fois que le jeu est lancé, je me suis dit ah c'est genre dire ton équipe. Tu vois, t'avais l'équipe Santa Cruz si tu décidais de dire ah moi je suis un mec du skateboard et puis voilà. Ok, donc en fait, comme le jeu, normalement, tu peux y jouer jusqu'à 8, au bout de la sixième équipe, à taper des noms à la con, tu sais, une fois que tu as tapé caca, voilà, tu dis qu'est-ce que je vais taper, ça commence à m'énerver, et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait appuyer sur entrée pour passer tout ça, donc j'étais même pas obligé de le faire, c'est super. Puis une fois que le jeu a booté, ben, je suis tombé trois fois en skateboard, disqualifié, et puis bon, en fait, oh, merde. Ben, j'ai rebooté, j'ai mis un autre jeu. Non mais de toute façon c'est un traumatisme pour tout le monde hein, California Games. Eh oui. Ceux qui y ont joué, hein, moi j'y ai pas joué, mais on m'a montré oui, après, mais moi à l'époque j'avais pas joué. Hein, je... Mais bon. Joue-y sur Master System et meurs avec nous. Mais pour le coup, ouais, ça peut être rigolo. Si c'est d'aussi bonne facture, il y a quelques années, ben éventuellement allez-y parce que. La question c'est voilà évidemment. Attendez les tests. Ouais. On a vu Nintendo qui fait du bon taf. On a vu des fausses Mega Drive d'une qualité lamentable. Ouais. Attendez. Tout va bien. Parce que là, pour l'instant, si c'est de la même facture que le truc qu'on a vu arriver il y a. Il n'y a pas de problème. Par contre, là, on ne sait pas qui est en charge de ça. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux quand même attendre un petit peu. Ok. À part ça, dans la suite des petites news qu'il y a eu cette semaine, donc on va rapidement en parler. Dans deux jours ont lieu les Nintendo World Championship d'Amérique du Nord. Ah oui, les championnats du monde mais d'Amérique du Nord. Les championnats du monde d'Amérique du Nord. Donc le principe de Nintendo, voilà, c'est renouvelle encore une fois ce qu'ils avaient fait il y a deux ans, c'était. Le championnat, le Nintendo World Championship, une espèce de revival de la grande époque des jeux de NES qui ressemblent à des cartes avec God. Le Power Glove. La dernière fois, on avait vu notamment notre cher ami, pourquoi j'y ai mis, je sais pas, Mexican Runner, entre autres, qui avait participé. Là, on va voir comment ça va se passer, s'il va y avoir des surprises. Normalement, Nintendo en profite. La première fois, ils avaient montré ce qui s'est révélé un des meilleurs jeux de ces dernières années, Metroid Federation Force. Putain, je vais te défoncer. Non, mais ça peut bien se passer aussi. Ils peuvent aussi nous montrer des trucs sympas. Hein. Ils avaient aussi profité pour montrer Mario Maker. Ah oui, il y avait Mario Maker. Il y avait carrément une épreuve sur Mario Maker, je crois. C'est mais ôtez-moi d'un doute. Il y aura une épreuve cette année, soit entre parenthèses, sur Metroid. D'accord. C'est ce que j'ai vu, ouais. Il y aura une des époques sur Metroid. Ok. Mais les Nintendo World Championship, quand c'était fait à l'époque, là, il y a longtemps, c'était vraiment des trucs mondiaux. Non. Il y avait des épreuves de qualif un peu partout ou c'était toujours aux États-Unis C'était toujours les États-Unis. D'accord, ok. Justement, c'est ce qui me semblait aussi, mais j'étais pas sûr. Alors, voilà, entre-temps, ouais. Ouais, c'est vas-y. Entre-temps, j'ai pris le temps de rechercher vite fait qui était en charge de ce fameux C64 Mini. Mm-hmm. C'est une compagnie du nom de Retro Games Limited. Je ne savais pas. Apparemment, ils ont moins de 2 ans d'existence en compteur. Ok. Voilà. Bah, c'est du rapide. Hein. Ah oui. Donc voilà. Personne ne sait. Voilà. Ils sont spécialisés dans la manufacture de produits électroniques et c'est tout ce que vous pouvez trouver comme info. Voilà. Désolé. Bon, ça va, ils s'appellent Retro Games, forcément déjà bien. Ouais, ça va être bien, forcément. Donc, bah, attendez. Voilà, ça vaut peut-être mieux. Okay. Donc, ensuite, alors ça, je vais parler rapidement d'un livre que j'ai acheté cette semaine, qui est la semaine dernière, je sais plus. L'anthologie GameCube chez Geeksline. Écrit par Mathieu Manon, comme je crois que c'est lui qui avait signé aussi l'anthologie il y a 1964, non ? Je vais, comme d'habitude, en dire du bien, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire dessus. C'est très complet, il manque franchement pas grand-chose. Chaque jeu est testé un par heure, avec des places diverses qui sont accordées aux jeux en fonction de leur importance. Ça va d'un quart de page jusqu'à une double page, en fonction des jeux les plus importants de la console. C'est très complet, c'est bien écrit, c'est intéressant. Le bouquin est de très bonne qualité, comme toujours. L'édition normale coûte une 40aine d'euros, ce qui est un peu cher pour un livre, tout en sachant que il est quand même assez imposant. Hein. Il y a... Donc, Alors, moi, je ne l'ai pas lu, mais il y a une critique, il y a un truc impardonnable dans ce bouquin. Impardonnable. Il a oublié de parler du câble RGB dans les accessoires de la console. Et ça, je peux pas laisser passer. Hein. Voilà, il parle de toutes les connectiques de la console, il parle pas du câble RGB. Ah, la légende dit que ce serait un oubli du monde de... Alors oui, apparemment, oui, en plus, oui, tu l'as contacté sur Twitter, apparemment, ouais, c'est un oubli de l'éditeur, mais voilà, quand metteur en page. Quand on arrive, je veux dire, à pointer du doigt qu'il manque le câble RGB de la console au milieu de tout le reste, enfin, voilà, ça... Je suis pas d'accord, hein. C'est un défaut majeur. Non, mais... Bah, c'est vrai que ce qui fait bizarre, c'est qu'il parle du câble YQV et même des terminales. Et il parle surtout du câble antenne. Et du câble RF, du convertisseur. Câble RF. Et voilà. Donc c'est ça qui fait surtout bizarre. Non, mais après, oui. Au-delà de ça, c'est très complet. Il y a beaucoup. Toutes les éditions limitées, comme d'habitude, des jeux GameCube sont listées. Les prototypes jamais sortis. Vraiment, c'est très bien. Il y avait vraiment un câble RF pour la GameCube ? Oui. Waouh, tu peux jouer donc à Mario Kart Double Dash sur une télé en noir et blanc des années 70. Putain, c'est cool. Il y en a eu jusqu'en... C'était pas officiel, mais jusqu'à la Xbox 360, hein, il y avait des convertisseurs RF. C'est pas au Fury qui m'en avait parlé de ce fameux... Mais je sais que moi, quand j'ai fait pas mal de recherches sur les signaux et tout, mais c'était il y a un sacré moment, et j'étais tombé là-dessus, et c'était... je cherchais justement le câble VGA pour la 360, et j'étais tombé sur... convertisseur donc sorti 360 vers RF et j'ai fait waouh. Le futur. Mais bon sinon cette semaine j'ai reçu, toi moi tu l'as pas encore récupéré il me semble, un joli collector dont je voulais parler pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir parce que c'est encore possible. Donc la société FN Gamers a sorti pour le jeu Undertale des versions sur son PS4, PC ou Vita, des éditions physiques donc du jeu, accompagnées pour la collector d'un joli petit livret dans le jeu, d'un livret de partition, de l'OST complète sur 2 CD et d'une petite boîte à musique plaquée or. Torscara. Il est très très beau. La petite boîte à musique est en mode médaillon un peu. C'est ça, qu'on pourrait porter autour du cou. Le collector est très beau. La petite boîte à musique plaquée or fait vraiment toute la différence. C'est vraiment le truc... Ah, c'est le truc... Torskar. Moi, quand je l'ai vu, la petite boîte, mais même si elle n'avait pas été en or, hein, en fait, je m'en foutais. Hein, mais le fait qu'il y ait la boîte à musique et que je sais en plus c'est quelle mélodie qui va être dedans, j'ai fait bah laisse tomber. Hein. Et pour c'est pour ceux qui souhaiteraient en plus acquérir il existe un artbook de 200 pages apparemment, qui est aussi de très très bonne qualité, avec du papier de très bonne qualité en particulier. C'est Damdam qui l'a reçu et qui en a parlé. Kara aussi. Et je sais plus sur quel. Si c'est effectivement sur l'artbook ou sur le bouquin avec les petites musiques, mais en fait, le créateur du jeu a annoté toutes les pages, fait des petits dessins. En fait, je crois qu'il l'a fait sur les deux. Sur l'artbook, il a annoté certains croquis, certains dessins et tout. Et sur le truc de musique, je crois qu'il a mis quelques commentaires parce que le créateur du jeu, c'est aussi à la base un musicien. Donc. Ça s'entend de toute façon. C'est même d'abord un musicien. En fait, Oui, c'est avant tout un musicien. Et donc voilà. Et le collecteur, il est dispo sur quoi? Sur quel PC, PS4 et Vita. Je vous mets un lien dans le chat de Fangamer. Sachez que donc il coûte $65. Il faut rajouter les frais de port. Par contre, pour ce tarif-là, pour l'instant, je n'ai entendu personne parler de douane. Personne apparemment n'a pris la douane. Alors que ça vient des États-Unis, ce qui est une bonne nouvelle. Et c'est pas cher pour le collector que c'est, quoi. En fait, ouais, mais on parle pas beaucoup de collector dans l'émission, mais là, pour le coup, y a vraiment une plus-value, un truc que j'ai rarement vu dans une édition collector. On avait parlé de l'édition collector de Wonder Boy qui est sortie récemment chez Limited Run. Ouais, et j'avais mis des réserves. Moi, j'étais assez déçu de son contenu parce que je trouvais que. Pareil. Il y avait le jeu, l'OST sur deux CD, pareil. Il y avait posters, des cartes et un petit livret dans le jeu. Mais c'est tout. Et pour le même tarif, je trouvais le contenu un peu léger. Là, ce goodies vraiment change toute la donne, toute la perception du collector pour moi. Et en plus, Undertale, c'est vachement bien. Et la boîte aussi autour, c'est rien. Mais la boîte est de bien meilleure qualité que la boîte de Wonder Boy. Ah d'accord. Beaucoup plus solide et plus jolie. Enfin, ça donnerait presque envie de l'acheter pour ma Vita. Hein. Et le truc, c'est que si vous avez envie de jouer Undertale, moi personnellement, je n'ai pas encore sauté le pas. Il est installé sur ma PS4, il est prêt, j'ai envie d'y jouer, je vais enfin y jouer. Après tout ce que j'en ai entendu, après tous les spoilers que j'ai réussi à éviter toutes ces années. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi, terminé, c'est bien. C'est bien. Je sera là avant le collector d'Axiom Verge. J'ai beaucoup. Ouais, lui, il est repoussé tout le temps. Quoi. Encore. Oui. On va faire une spéciale truc repoussé ad vitam aeternam. Vous savez que Cuphead est sorti récemment. Non. Tout arrive. Cuphead est sorti avec tout son marketing, ses goodies, c'est ouf. Mais j'ai appris que Cuphead est sorti avec tellement de retard qu'en fait il y avait un DLC dans Tony Hawk's 5 sorti en 2015. Il y avait un DLC Cuphead le jeu est sorti que maintenant en vrai. Oh la vache. Oh bref. Juste pour revenir à ce que dit FF6man sur le chat, sur l'ordre de rédaction des livres sur une console, il y a des personnes qui pourraient aider qui ne sont pas consultées. Je te rejoins tout à fait là-dessus pour avoir participé à l'écriture d'un livre. C'est le monde de l'édition est un monde extrêmement fermé, avec toujours les mêmes gens qui tournent entre eux. Et comment dire que chacun fera en sorte de surtout... à s'asseoir sur son prérequis et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau qui arrive dans le truc. C'est un petit peu ce qui se passe chez Pixel Love, où on retrouve toujours les mêmes rédacteurs, toujours les mêmes personnes entre elles. Et voilà. Moi, j'aimerais aussi des fois qu'ils aient l'audace d'aller chercher des gens qui s'y connaissent sur certains trucs et aller chercher un petit peu au-delà de leurs trois personnes qui habitent autour de Paris et qui gravitent autour des maisons d'édition depuis 20 ans. Mais c'est assez compliqué. Et ben oui, et du coup, faire un vrai travail peut-être d'investigation qui apporterait une vraie plus-value au bouquin, quoi. Puis ce qui serait bien peut-être aussi, c'est de varier un peu les sujets. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup d'anthologies sur les consoles. Pour l'instant, c'est un peu... Allez, en une phrase, Sega, Sony et Nintendo vont à la plage, quoi. Oui. Voilà. Après, j'achète tout de suite. Il n'y a pas d'embrouille. Okay. Juste pour en savoir un peu plus, par exemple. Mais ouais, mais comme disait un certain Florent, ils font des choses qui se vendent. Parce qu'ils ont besoin aussi pour survivre. Pas toutes les maisons d'édition, mais au bout d'un moment, quand tu fais un bouquin sur un sujet qui va peut-être intéresser moins de gens et qui ne se vend pas, tu vas à l'essentiel. C'est pour ça que chez Pix aujourd'hui, après avoir balayé entre guillemets les bibles, ils font des bouquins sur Shenmue, des choses qui, voilà, ils se disent forcément les gens vont acheter parce que c'est le moment de faire ça, c'est au porteur. Et c'est vrai que des sujets un petit peu plus obscurs, là il faut aller justement chez Côté Gamer par exemple, donc moi j'avais acheté l'anthologie du Shoot'em Up Volume 1 Super Nintendo. Côté Gamer fait des bouquins avec des tirages beaucoup plus limités, mais sur des sujets plus de niche. Okay. Ouais, ou alors, si vous prenez l'anglais, il y a aussi... Ah, comment il s'appelle ? Bitmap Books, voilà, Bitmap Books. Bitmap Books. Et il y a Hardcore Gaming 101 aussi, qui édite des livres en anglais, qui apparemment sont très bien foutus. Voilà. Bon, sur le coup, quelqu'un d'autre... Quelqu'un d'autre a des news à rajouter, quelque chose à dire. Tu n'as pas parlé tout à l'heure d'un jeu Saturn pas fini qui est... Ah, on en a parlé, oui, tout à l'heure. Attends, je me souviens plus. J'ai les messages, j'ai plein de step. Top. Je spoil, c'est une version de Sonic R. Et donc. Hop là, oui, on a découvert, enfin, de manière tout à fait anecdotique, hein, la moins finie, la plus early qui soit de Sonic R sur Saturn, la version 0.1, dans laquelle on voit juste vaguement un circuit avec un petit peu de décor et qu'on peut parcourir en 3D. Voilà, ça vaut pas grand-chose, ça vaut surtout pour l'histoire. Voilà, c'est l'histoire, j'ai vu la vidéo YouTube du truc, bon. Très bien, d'accord. Donc, c'était prévu que ce soit un jeu de course depuis le début, apparemment. Et sur eBay, donc, on a vu apparaître un jeu unrealiste Saturn qui s'appelle Armed. Apparemment, le jeu, c'est totalement un proto, hein, il n'a jamais été terminé. Ouais. J'ai jamais entendu parler du jeu avant. Pas plus d'ailleurs que le site qui nous a trouvé ça. Ça va retrocollect.com. Et selon Retrocollect, ça ressemblerait à un jeu 3DO d'une. De Phoenix 3, jamais entendu non plus. Ça vient. J'essaie de regarder de quel studio ça vient, mais j'ai pas d'infos apparemment. Mais donc, apparemment, le mec vend le proto là actuellement. Il y a une enchère eBay qui est en cours. Et quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était monté à 2500. Voilà, 2500. Il en veut 2500. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Voilà. Ça va. Vous m'en mettrez selon 3. Les dires du gars qui le vend. Retrocollect. Selon les dires de la personne du coup qui vend ce proto, il a pu terminer le jeu entièrement. Les seules choses que l'on pouvait trouver en fait les autres traces de ce jeu, c'est l'époque où ça disait que le jeu était terminé à 70%, quelque chose comme ça. J'ai essayé de me renseigner tout à l'heure avant le. Voilà, j'ai retrouvé en fait le truc. Voilà, ça disait en fait que le jeu était développé à 70% et c'était développé par un studio qui s'appelait Point of View et publié par Interplay. D'accord. Généralement pas trop gage de qualité. Ouais. Totalement. Et c'était prévu pour le troisième trimestre 96. Voilà. Okay. Voilà. J'ai pas plus d'infos. Donc pour ceux qui ont 2500$. Moi j'ai quelques petits trucs dont je voudrais parler. Douin qui m'a fait ça m'a fait rire. C'est plus une anecdote qu'une news, mais merde. Alors c'est quelqu'un de chez Nintendo, je sais plus son nom, je suis désolé, qui a balancé des petits sprites d'origine de Super Mario World, la version 0.1 on pourrait dire. Avec Yoshi. Avec notamment un Yoshi qui change plutôt pas mal de l'original. Il faisait plus lézard hein, de ouais. tête. Hein, et surtout, du coup, une info qui m'a fait marrer, c'est que le petit personnage de Mario dans Super Mario World, on le sait tous, quand Yoshi tire la langue, il met son poing en avant et il fait vas-y, va là-bas, bouffe ça là. Et en fait, apparemment, non. Dans la version d'origine, en fait, c'est qu'il donne un coup de poing au dinosaure pour qu'il tire la langue. Et, Et on a appris ça là récemment et ça m'a fait marrer, je me suis dit ouais. Mais moi ça m'a fait halluciner de dire ça parce que en fait le mouvement il devait être le même qu'à la base que celui maintenant. Exactement. Enfin celui qui est le... Mais ils ont juste rajouté un petit pixel pour le doigt en fait, pour montrer, il met le doigt en avant. Mais c'était tellement petit à l'écran que moi j'étais déjà convaincu qu'en fait il lui cognait la tête pour sortir la langue. Quoi, ah ouais, alors que moi tu vois mais... dans mon truc de gamin, je voyais pas non plus le pixel dont tu parles, mais je me disais non mais non, c'est Mario, il est gentil, il lui dit vas-y, va là-bas, tu vois, dans ma tête, ouais. J'ai auto-corrigé moi, tu sais, j'étais. Non, non, c'est pas possible, il peut parce pas être que t'es méchant. Trop gentil, c'est bien tout, sûr. Ouais, c'est ça. Putain, moi, je le voyais taper tout le temps. Bien sûr. Et, mais c'est ouf de se dire que du coup, maintenant, là, il y a des t'sais, il y a des grosses guerres là pour les gens qui sacrifient les Yoshi pour réussir des sauts ou autre machin. Bah, savoir qu'à la base, Nintendo, Yoshi se faisait taper sur la gueule, tu vois. Je crois que c'est l'animal Nintendo le plus maltraité de tous, au final, hein, quand même. Ouais, mais ouais. Ça m'a fait marrer. Et... voilà, je voulais en parler parce que je trouvais ça hallucinant. Et juste oh, du coup une autre petite news, enfin sauf si quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet. Ils ont annoncé Street Fighter 5 arcade édition, je préfère pas en parler, j'ai assez ri comme ça tout à l'heure. On en reparlera peut-être sur merci Capcom, merci Ono, vous êtes les meilleurs. Ouais, mais c'est un peu bon, c'est voilà. Hein, n'est-ce pas? Non, moi j'ai appris, alors ça fait un moment en fait, mais je l'ai appris que récemment, la suite du fameux projet de Saturne où le mec utilise le port le port à l'arrière là, pour balancer des ISO de jeu via une carte SD ou une clé USB, il a mis le projet en pause parce qu'il a des soucis de... j'ai pas compris si c'était des soucis de santé ou quelqu'un dans sa famille qui avait des soucis de santé. Pour l'instant, il met ça en pause, mais il n'est pas abandonné le projet. Ça arrivera, et c'est pas pour tout de suite. Voilà, juste ça. C'est un projet qui me tient à cœur, en fait, donc j'en parle quand j'ai des news. Voilà. Bah oui, pareil, oui, c'est... voilà. Pouvoir c'est jouer à... Qui laisse ouvert à pas mal de choses sympas, et c'est vrai que si, bah ça ouais, si un jour ça fonctionne, ça peut être vraiment... Ça peut être sympathique, je trouve. D'autant plus que, bon, malheureusement, un lecteur CD, bah, il y a un moment, ça... va tomber en panne probablement, avoir la solution de pouvoir brancher une clé. Et une carte même SD, si la Saturn aujourd'hui est bien émulée, bien mieux qu'il y a 10 ans, il faut quand même un processeur qui tabasse pour que l'émulation soit relativement bonne. Ouais, donc clairement, donc pouvoir jouer à des. Par exemple, des fantrades ou autres sur sa Saturn, bon, notamment, c'est déjà faisable, les, je pense. Les, mais... les deux fameux scénarios de Shining Force 3. Qui sont partout sortis en Europe, qui sont fan-tradés en partie, mais ils sont presque finis, je crois, en anglais. Qui seraient enfin jouables. Ouais. Que... Voilà. Toujours des petits projets. On n'a pas oublié ces gars. On n'a eu qu'un tiers du jeu. Bande d'enfoirés. Tiens, il y avait même une quatrième partie hein, pour. Quatrième petit morceau, oui. Qui était réservé à ceux qui envoyaient un code pour ceux qui avaient acheté les trois scénarios. D'accord. Je sais que voilà, il y a les trois scénarios parce que quatrième petite partie en plus. Qui remet quand même dans Shining Force 3 parmi un des jeux d'aventure les plus ambitieux quand même de son époque, parce que le jeu est créé avec trois camps différents et qu'ils ont quand même créé trois scénarios chacun pour son propre camp, et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il y a juste trois clans qui se battent pour leur propre cause, et tout l'ensemble crée vraiment quelque chose d'assez fantastique. Mais évidemment, on a eu droit qu'au premier en Europe, donc on n'a pas bien compris tous les tenants et les aboutissants à l'époque. Ouais. Bon. Personne parle de l'Atari Box, on réserve ça pour une autre fois. L'Atari Box ? Ouais. Vas-y. Non, je demande. Je suis pas le plus calé sur le sujet, donc... On n'en avait pas parlé la fois passée ? Il me semble. On en a pas... Il me semble, hein. On n'en a pas parlé, effectivement, moi, à raison. D'accord, donc vas-y. Ouais, parce qu'on a eu les specs la semaine dernière, donc ça m'étonnerait aussi. Ah ouais, les specs. Merde, elles sont où ? Bon, après, parce que ça... Les messages épinglés dans la... Je l'ai, ça, voilà. On pourrait en parler longtemps, donc si vous voulez qu'on en parle une prochaine fois... Vite fait, à l'arrache de chez à l'arrache. Donc, ils ont enfin annoncé malheureusement, les specs. Donc, processeur custom AMD, quoi, tu sais pas. Technologie radiographique, quoi, tu sais pas. Application streaming, social, bidule, machin, tout ça. Twitch sur Atari Box, c'est cool. Ouais, en gros. Tu peux personnaliser ton système d'exploitation. Mais attendez, il y a quoi dedans? Ah oui, ça tourne sous un Linux. Bon, d'accord, donc du jeu sous Linux, pourquoi pas. Apparemment, ils nous promettent des tonnes de jeux Atari classiques préchargés dans la console. Mais tout ça pour combien, ma chère Maryse? Oui. Entre 249 et 299 dollars. Tout dépend l'édition et la quantité de mémoire. Bon. Tout en sachant qu'ils ressortent encore une Atari Flashback avec des possibilités HDMI, ce qui est très bien, attention, hein, je ne dis pas le contraire. Mais dans l'annonce, il laisse sous-entendre que c'est le retour d'une grande licence oubliée depuis des années. On s'est amusé à chercher, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelle licence il pourrait avoir. On était parti sur des trucs comme Primal Rage, des trucs comme ça. Donc, espérons que, voilà, qu'il nous fasse la surprise, que ce soit pas un truc moisi comme ça, mais il y a des chances quand même. Moi, je dis Matrix. Driver. Matrix. Ah, le dernier jeu Matrix. Arrêtez de nous faire du mal comme ça. C'est non, voilà, ça voilà. Bon. Le dernier jeu Matrix, ça t'a rien, je suis désolé. Oui, oui. Enfin, Hunter voilà. De Matrix, le enfin, les seuls jeux Matrix, d'ailleurs, je crois que ça t'a rien. De toute façon. Alors, voilà. Alors, quand il parle d'une grande licence à la cour, t'auras peut-être genre un nouveau missile commande ou un nouveau Tempest, et c'est tout. Voilà. Et encore, si un nouveau, si c'est pas quelque chose qu'ils avaient dans les cartons depuis 30 ans. Donc, voilà. Tempest en 3D avec un casque de réalité virtuelle. Voilà. Ok. Sur le coup, on va pouvoir. Quoique, avant vite fait de passer au sujet principal, quand je disais Primal Rage, et c'est totalement ma spéculation personnelle, mais étant donné que c'est censé être Atari, Primal Rage, il y a le fameux proto de Primal Rage 2 qui a été retrouvé il y a quelques années, qui apparemment est plus ou moins jouable, un prototype arcade. Ouais. Ma spéculation, c'était voilà, s'il doit faire revenir un jeu, peut-être celui-là, mais. Est-ce qu'il est plus jouable que Primal Rage 1? Jamais. J'ai. Apparemment, il est émulé, j'y ai jamais joué. Mais en vrai, le premier Primal Rage en arcade, c'était sympa, mais oui, parce que visuellement, ça déchirait. Après, dès que ça passe sur console, c'est déjà moins bien. Bah, avoir un dinosaure pissé sur un humain, ça n'a pas de prix. C'est un peu comme Mortal Kombat. C'est-à-dire, Mortal Kombat, tu lui enlèves sa réalisation, il reste quoi? Bah, il reste plus grand-chose. Hein. On est bien d'accord. Des litres de sang. Ouais. Les tripes à l'air sur autoroute, oui. Ouais. Bon, sur cette belle image. Alors, ceci, tout le monde a des choses à rajouter? Non? Pas de news? C'est bon pour moi. C'est bon pour tout le monde. On peut passer au plat de résistance. Oh oui. Nous allons glisser c'est le podcast du collectionneur ou c'est Burger Quiz? Nous allons glisser subrepticement vers la sensation du moment, la nouveauté que tout le monde s'arrache. Ah ouais. La console la plus spéculée de l'année. Apparemment, c'est moins spéculé que la NES. Apparemment, il y a quand même plus de. Qui se vendra peut-être plus que la Xbox One X. Il y a des chances. Certainement. Et donc, sur le coup, on va parler de la Super Nintendo Mini que Nintendo vient de nous offrir, enfin. Nous offrir à 80 balles, quand même. Nous offrir à 80 balles. Et 90, voire 100, chers certaines enseignes. Oui, je dis 80. Voilà, alors, vient de nous proposer pour 75 euros chez Leclerc, 80 euros chez Micromania, Auchan et la plupart des enseignes, Carrefour, tout ça, et 95 euros à la Fnac et Amazon. Voilà. Donc, oui. on laisse les gens choisir en leur âme et conscience. Et leur dispo. Bon. Et donc, pour ce tarif-là, on a la Super Nintendo Mini avec 20 plus 1 jeu, comme marqué dessus, et non pas 21 jeux. 20 plus 1. Ça a l'air important. Oui, non, mais en fait, ça l'est. J'ai pris conscience de pourquoi, mais on en parlera de ça. Mais... et surtout, donc, toujours pas livré avec un adaptateur secteur, donc simple câble USB pour l'alimenter. Par contre, livré avec deux manettes, contrairement à la NES Mini. Ça, c'est bien, par contre. Est-ce que le câble fait plus de 1 mètre? Le câble des manettes 50. Fait le double de ceux de la NES Mini. Donc, c'est toujours, c'est mieux, c'est toujours pas dément. Mais c'est moi, par exemple, c'est toujours pas suffisant pour moi. Bah, je pense que beaucoup de gens après, aussi. Hein. D'un autre côté, je relativise parce que, enfin, vu qu'il y a un des boutons sur la console, le bouton reset qui fait des choses, bah, c'est pas mal d'avoir à côté de soi cette petite console. Ça rappelle la Master System. Ouais, exactement. On peut acheter à part, par contre, je dis rapidement l'adaptateur secteur. Si vous voulez vraiment un officiel Nintendo, il est vendu pour 13€ environ. Sinon, n'importe quoi qui a une prise USB, ça marche. Hein. Oui, parce que là, vous payez 13€ de Nintendo. Oui, mais il y a gravé Nintendo dessus. Ouais. 13€. C'est très important. Mais voilà. Et donc, bon, Nintendo, en l'arbre. Ici, déjà, qui est-ce qui a jusqu'ici ce qui s'est jeté corps et âme sur la Super Nintendo Mini? Non, merci, monsieur. Moi, pour une raison, j'en avais déjà parlé. C'est la seule machine et la seule fois où on avait une sortie officielle de Star Fox 2. Mmh. Donc et, voilà. En gros, pour l'instant, rien que là parmi nous 6, on est à 50-50. C'est-à-dire on est la moitié à l'avoir acheté, l'autre moitié qui l'a pas acheté. C'est ça. Bah, moi, c'est encore plus le cul entre deux chaises, parce que pour le coup, je l'ai pas acheté pour moi. Ah oui. Mais grâce à Moa, en fait, j'en ai trouvé une pour un petit cousin. Donc c'est des choses encore plus rigolotes. Il en a réclamé une pour son anniversaire et avec une stipulation très bizarre. Je veux jouer au même jeu que quand il vient chez moi. Or, j'ai jamais branché une Super Nintendo quand il est venu. D'accord. Donc j'ai jamais compris d'où ça vient. Personne ne comprend d'où ça vient. Parce que dans sa tête, vieux jeu est égal à Monsieur Chou. Voilà. Enfin, vieux jeu vidéo, attention. Hein. Oui. Non, c'était pas ce vieux jeu là. Non mais voilà. Donc, du coup, c'est très drôle et grâce à moi, en fait, j'ai pu. Donc, merci encore. Mais c'est très drôle. Grâce à la connerie de moi surtout, mais ouais. Ouais, mais bon, quelque part, tu m'as bien dépanné sur ce coup-là, donc. La super, alors il est encore un petit peu tôt pour dire que la Super Nintendo Mini est introuvable. Il y a moi j'ai vu des magasins indépendants qui en reçoivent de nouvelles. Les grandes chaînes de distribution qui en ont plus, du style Leclerc ou Micromania, là ils en ont pas. Mais a priori Nintendo a prévu d'alimenter correctement le marché jusqu'à la fin de l'année. A contrario, la Fnac et ses consoles à 95€, là par contre il y en a des pyramides apparemment. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas à croire qu'il y a quelques chaînes qui ont réussi à choper tous les stocks, comme d'habitude en France. Donc, premier conseil rapide, je ne répéterai pas, ne vous jetez pas sur les revendeurs qui les vendent 120, 150 ou 180€ sous prétexte qu'il n'y en aura pas pour Noël. Parce qu'en plus, ça pullule en ce moment, il y en a un peu de partout. Voilà. Ben, le truc, c'est qu'entre l'année dernière, ce qui s'est passé avec la NES Mini et cette année la Super Nintendo Mini, les gens se sont considérablement organisés. C'est-à-dire que je n'en reviens même pas du nombre de consoles qui ont été réservées dans le seul but d'être mis en vente sur le bon coin. Et on a vu, et c'est des vraies réservations, c'est des gens qui vont réserver avec chez Micromania en versant 30€ pour être sûr d'être servi, pour être sûr de pouvoir la revendre derrière, puisque donc... Moi, c'est les premiers à avoir reçu les consoles par ici. Ils les ont reçues. Le lendemain, sur le bon coin, il y en avait déjà. Après, c'était les seuls qui les avaient. Donc, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre qui a livré les consoles. Comme on avait parlé déjà l'an passé avec la NES Mini. Oui. Tant qu'il y aura des magasins qui acceptent que tu en commandes 4 ou 5... Non, alors, attention, chez Micromania, c'était limité à une par personne. Ah ouais. Mais il y a d'autres magasins et ça, ils s'en prennent des pas tous, ouais, pas tous, ouais, c'est vrai. Voilà, moi, par chez moi, il y en a. Donc, tant qu'il y aura des magasins comme ça, et tant qu'il y aura aussi, des gens pour les acheter. Hein. Non, l'effet Nintendo, qui est de toujours sous-estimer ce que les gens en attendent, pour qu'il y ait des cons qui se fassent du pognon sur leur dos. À croire que Nintendo n'aime pas l'argent. Bah, j'ai. J'ai rien à comprendre. Il faut relativiser l'effet, ce dont tu parles. Ça, on peut en avoir l'impression. Faut pas oublier que Nintendo. C'est une boîte, entre guillemets, qui a que 5000 salariés, Et qui, contrairement à, je sais pas moi, Apple, Sony, Microsoft même, quand ils disent on voudrait produire des temps de machine, ils ont pas le même poids au niveau des fabricants, des assembleurs et tout. Donc quand ta SNES Mini par exemple, ou ta NES Mini, ou ta Switch, elle a des puces mémoire qui se retrouvent aussi dans certains iPhone ou iPad, les mecs ils vont fournir en priorité Apple plutôt que Nintendo par exemple. Oui, bien sûr. Mais après c'est quand même dans l'extrême. On parle de la Switch, je vais dans énormément de magasins, il y a aucun magasin qui en vend. Ouais. Non mais c'est sûr. Mais Nintendo, c'est au-delà, je pense que c'est un problème propre à Nintendo, c'est vraiment au-delà. Après c'est un autre débat, c'est un autre mais sujet. Mais après le truc c'est que par exemple pour la Switch, Nintendo, ils avaient prévu d'en vendre alors j'ai plus les chiffres mais un truc du style 2 millions cette année, un truc comme ça. Ils en ont produit 3,5 et ils ont quand même tout vendu. Après, toute proportion gardée, là je regarde. J'ai dit les chiffres au pif, hein, je précise. Ouais. On est bien d'accord que le hardware de la Super Nintendo et de la NES sont totalement identiques. C'est les mêmes. Bah, oui, mais justement, c'est là justement. Ouais. Quand Nintendo disent qu'ils vont reproduire des NES Mini à partir de l'été prochain, ça veut bien dire. On ne peut pas produire tout d'un coup. Tout en même temps, ouais. Pas possible. Mm. Donc je pense vraiment qu'ils sont limités par leur capacité de production, tout simplement. Ouais. Voilà. Actuellement, donc, ces deux systèmes tournent sur un processeur R16 de chez Allwinner Technologies. Et ce n'est pas une voiture française, la R16. Non. Non. J'aurais préféré une Renault 16 pour le coup. Mais voilà, le truc, il est utilisé quasiment... Dans tous les autres utilisations que tu peux trouver, à part la NES Mini, c'est utilisé dans des trucs comme de l'Internet of Things et des systèmes de sécurité. Donc voilà, c'est un truc qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est un petit voilà. Soc, voilà. Donc comme on en débattait avant que la Super Nintendo Mini sorte, j'avais dit avec force conviction que non, Nintendo ne referait pas la connerie de mettre la même chose que dans la NES Mini, qui protégerait leur système, blablabla, tout ça. Ils ont dépassé tes espérances. Je me suis juste mais tellement planté, ils ont mis exactement la même chose, ah, mais ils ont moi, mis un émulateur dedans, avec un petit message en disant « Bravo, vous l'avez hacké, amusez-vous bien. » Moi j'en voilà. Étais Beyond. Quasiment... C'était même écrit « Bisous Beyond ». Ouais. C'est ça, mais... J'en étais même quasi certain qu'ils allaient nous refaire exactement la même chose. Et d'autant plus quand derrière ils ont annoncé reproduire les stocks de NES Mini, là je me suis dit, mais c'est mort. C'est la même chose sachant à l'intérieur. Sachant qu'ils ont déjà réussi à craquer la NES Mini. Hein. Oui, bah bien oui, sûr, puisque c'est le même hardware. C'est exactement ça. Voilà, donc. C'est amusant ça aussi. Merci Nintendo. C'est hein. Mais déjà, ils ont. Parce que la New 2DS XL. C'est le même hardware que la New 3DS XL, elle se hack de la même manière, enfin tout est pareil, et je me suis dit, mais ils vont faire exactement, ça sera exactement la même chose pour la SNES Mini, ça sera la même chose que la NES Mini. Bah voilà. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit qu'ils s'en foutent. Mais alors, ouais, tellement ils s'en battent les couilles. Mais c'est rigolo parce que quand on avait parlé du fameux hack de la NES Mini dans un précédent podcast il y a quasiment un an, je vous avais dit, ils vont changer des trucs, et j'ai eu tort, je l'avoue. Je pensais, moi naïvement, qu'ils allaient changer des trucs. En fait, En fait, ils s'en foutent. Je crois que dans leur optique, ils se disent de toute façon, vu qu'on va pas vendre de jeux sur ces consoles, vu que elles sont pas faites pour ça, eh ben on s'en fout. Alors ça peut peut-être être. Clairement, même si c'est facile à faire de la pirater, le grand public ne va pas le faire. Oui. Bah paradoxalement, il y a quand même des gens qui l'achètent pour ça. Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est minoritaire par rapport au grand public. Totalement. Qui va l'avoir sous le sapin, qui va y jouer un peu. Et bah après, ouais, ça les dépend. Collectionneurs, ils aiment aussi ne pas bidouiller leur objet. Hein. Bah, ça dépend, parce qu'il y a aussi une partie du grand public qui découvre qu'en fait on peut le faire. Bon, moi bah, je connais quelqu'un qui en a acheté 3 pour le coup, c'est pas moi. Mais il y en a acheté une pour la bidouiller, une pour pas la bidouiller, une pour la garder dans sa boîte. Ah, voilà, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais pourquoi t'en achètes pas une, tu la mets dans la toilette? Oui, voilà. Juste la boîte. Tu en mets une dans l'armoire de salle de bain, comme ça le matin, pour prendre ta brosse à dents, tu vois la boîte. Ouais. Elle dit, ah non, mais c'est bon, commence pas. J'ai dit, bah non, mais dans ce cas-là, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. T'en mets au minimum une par pièce de ta maison. Là où tu ranges tes pattes, tu mets une Super Nintendo Mini. Je suis sûr que ça passe. Mais c'est vrai qu'après en acheter une pour pouvoir la pirater, je trouve. Tu en prends une, trouve l'intérêt tout à fait relatif. Tu en prends une, tu l'ouvres en deux et ça te fait deux assiettes pour manger dedans. Ah ouais, totalement. Ou alors un chouette bol pour mettre tes chips. Mais bon, ouais. Pour continuer au niveau hardware, par contre, au niveau reproduction, la console est très jolie. Ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une Super Nintendo en petit. Vraiment toute petite, effectivement. Je ne la voyais pas aussi minuscule. Et les manettes, le plastique des manettes est légèrement différent, un petit peu plus granuleux. Par contre, une fois en main et quand vous jouez, c'est la manette Super Nintendo. Ouais, j'étais très surpris, moi. Ça, c'est comme à l'époque, il n'y a pas de problème une fois en main. Ouais, c'est la, ouais, la croix, c'est... Enfin, c'est... j'avais vraiment l'impression. Peut-être que c'est mes souvenirs qui sont ce qui se sont, je ne sais pas, mais j'ai bonne sensation. Non, du tout. Franchement, j'ai pris les deux côte à côte. Il y a des petites différences au niveau du hardware. Ils ont corrigé des petites choses qui allaient pas. La manette Super Nintendo était connue pour casser au niveau des boutons LR assez souvent. Ils ont changé le pivot. La manette Super Nintendo était connue pour avoir des soucis de boutons Start et Select qui répondaient mal des fois, ouais, parce qu'ils avaient tendance à s'oxyder. Ils ont changé le système d'appui sur les manettes. C'était un point, maintenant c'est un système deux points. Ça veut dire que Nintendo est conscient qu'il y avait des petits soucis avec la manette d'origine, qu'ils ont par petites touches corrigées par-ci par-là. Par contre, une fois en main, une fois que vous vous mettez à jouer, il n'y a aucun problème. Il y en a au moins un en tout cas, mais il y en a qui disaient que le plastique granuleux, oui, ça voulait dire que c'était du plastique de moins bonne qualité. Alors c'est pas vrai, hein. c'est juste du plastique granuleux et en fait ça permet quand vous transpirez beaucoup des mains notamment que la manette elle glisse pas. Oui. C'est pas comme les manettes de PS4 où je fais une partie d'un jeu de combat et presque à la limite il faut mettre un saut et ouais, et c'est plus solide en fait, en vrai. Un plastique granuleux est plus solide qu'un plastique plat. C'est là que je voulais revenir parce que quand on. Oui, là, on a entendu une personne en particulier. Justement, que vu que c'est granuleux, voilà, c'est moins de bonne qualité. C'est quand même oublié que le plastique d'origine de la Super Nintendo jaunissait plus ou moins suivant les modèles, voire très beaucoup, et devenait même cassant au niveau des grilles d'aération en particulier, ce qui fait que des fois, à moindre choc, vous faisiez exploser la coque. Ah là, si FF6 Man est encore là, il s'est. C'est voilà, parle au niveau du plastique qui vit. Je voudrais savoir qui avait sorti cette connerie de plastique granuleux, c'est moi. Un testeur sur YouTube. un testeur. Ah, vous pouvez balancer les noms, hein, de toute façon, voilà. Ah non, mais c'est que je ne me souviens même plus. Comment ça... Oui, voilà. J'allais dire pour le coup, voilà, il faut dénoncer. Puisque Roubignon le demande, donc les manettes, c'est la fameuse connectique propriétaire Nintendo à laquelle on a droit depuis les Wiimotes. Ouais. Ce qui signifie que tout ce qui a cette connectique est compatible, que ce soit les manettes pro de la Wii, que ce soit les fameux sticks Tatsunoko versus Capcom qui fonctionnent parfaitement pour jouer à Street Fighter. Là, là, là, là, là, là. J'ai pas dit que j'en avais deux, c'est bon. Ça va, il l'a pas dit. Ça va, c'est bon. Si vous voulez jouer en mode hard à pas mal de jeux Super Nintendo, vous pouvez utiliser la manette NES où il vous manquera donc des boutons. C'est possible aussi. Par contre, vous pouvez jouer avec vos manettes SNES Mini à la NES Mini. Et là, vous aurez deux boutons en plus. Ouais. Voilà, qui serviront. Quatre boutons en plus, la tranche aussi. Tu peux même utiliser les Fight Pads de façon GameCube, en fait, qui se branchent là dans une Wiimote. Oui. Et donc, c'est pas annoncé les Super NES Advantage, les remakes, comme ils l'avaient fait avec les NES Advantage pour la NES Mini. Bon, je sais pas, mais peut-être que si ça se trouve, les NES Advantage n'ont pas si bien marché que ça. Moi, j'en ai vu pas mal résidus dans les magasins. Ouais, on dirait qu'ils n'ont pas réitéré l'expérience. Bah, les premiers modèles étaient notamment défectueux. D'accord. Je sais pas si tu savais. Non, je savais même pas. Tiens. En gros. Pour donner une idée à quel point ils ont merdé, je me souviens plus exactement quoi, mais la compagnie qui produisait ces trucs avait un partenariat à la con avec le mec, souvenez-vous, la rétro VGS et Coleco, je sais pas trop quoi, Caméléon. Mmh. Oui. Oh oui. En gros, le gars qui essayait de produire ces deux systèmes, il tenait un magazine. Et ceux donc qui essayaient de reproduire le fameux montage, ils avaient un partenariat avec ce magazine qui est très, voilà, ah oui, d'accord. Pas génial. Donc ça donne déjà un peu un avis du truc. Et je crois que les tout premiers modèles qui ont été sortis, en fait, ils ne passaient pas sur la NES Mini parce qu'ils avaient fait leur connectique façon... Voilà. Ils ont fait totalement de la merde. D'accord. Si je me souviens bien. Je sais que j'avais vu passer l'info. Et donc, je pourrais en parler rapidement puisque moi l'avons acquis. Aurait sorti une manette sans fil Fighting Commander qui, comme son nom indique, sert à jouer à des fighting games, qui a la particularité d'avoir les 6 boutons alignés pour jouer à Street Fighter 2 et d'avoir malgré tout les boutons LR à leur place originale, ce qui fait qu'on a les boutons LR en doublon. Également, il y a un mode turbo pour chacun des boutons. Chacun des boutons, ouais. Par contre, on va mettre un warning sur cette manette. Et je pense que Moa, tu vas pouvoir confirmer. Bah, moi, le warning, c'est que... je l'ai. Bon, il y avait un souci d'appairage. Et dans la notice, ils n'expliquent pas comment l'appairer. Mais ça, c'est... en cherchant sur le net, on finit par trouver. Par contre, bah, moi, j'avais carrément des inputs qui passent pas. J'ai des pressions sur les touches qui ne passent pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Et des là, ça devient plus gênant. Passe pas à faible distance. Ouais. Moi, j'ai constaté déjà que avec quelqu'un qui passe entre le récepteur et la manette, des fois l'appairage part. Ouais, voilà, c'est. D'accord. Et l'autre gros problème, c'est quand même la croix de direction. Et la croix, elle est infâme. Là, par contre, infâme. Et pour une manette dédiée aux jeux de combat, c'est problématique. C'est-à-dire c'est... que. Vas-y. Sur Street Fighter 2, les Hadouken sortent parfois, mais alors le Shoryuken, j'ai pas réussi à en placer un seul. Il est très difficile d'appuyer sur les diagonales, tout simplement, parce que la croix est très dure, et on a l'impression qu'il faut appuyer fort, et appuyer fort dans deux directions en même temps, ben c'est pas intuitif, et même pour sauter vers l'avant et vers l'arrière dans Street Fighter, c'est pas bien, vraiment pas. Ouais, donc je la conseillerais pas, moi. Voilà, autant le dire clairement. Plus. Malgré son prix rikiki de 25 euros, ouais, mais en fait, on comprend pourquoi. En fait, la manette originale, la fameuse pour la Super NES, il n'y avait pas les boutons LR sur les tranches. D'accord. Non. Il me semble, attention, j'ai cette manette. Mais elle est dans un coin. C'est parce que j'ai pas pensé à la préparer, du coup. Mais il me semble pas qu'il y a le bouton LR. Et je suis en train de regarder des photos, en fait, sur. Sur le net, et je les vois nulle part, ces boutons. Ils sont en façade, mais ils sont pas derrière. D'accord. Après, ça se trouve, je dis des bêtises. Mais... Ah oui, si, la manette a aussi un autre truc qu'on sait toujours pas à quoi ça sert, même 20 ans plus tard, la fonction slow. Si ? Qui permet de faire comme si vous appuyiez très vite sur le bouton start. Ouais. Et ça sert. En fait, bah il y a des jeux où quand tu mets start, ça freeze juste l'écran. Du coup, tu avances frame par frame. Mm-hmm. Par contre, il y a des jeux où quand tu fais start, ça t'ouvre carrément un menu et tout le bazar. Et là, c'est pas bien. sur les jeux Super Nintendo, il y a quand même beaucoup de jeux qui ouvrent le menu, quoi. Enfin, mais à part si tu veux faire, je sais pas, un espèce de pause buffer vénère sur un shoot 'em up ou autre, paf. Ouais, KRS. Voilà. J'ai fait une blague que Boss Dick aura honte. Le bouton slow, c'est pour danser. Voilà, merci. Ah, pourquoi ? Bravo. C'est pas bien. Bravo. J'ai rien entendu, d'ailleurs, je ne suis pas là. Tant mieux. Bravo. Mais ouais, il y a 8BitDo qui va sortir une manette, pareil, sans fil, qui se branche sur les ports de la SNES Mini et au même prix, 25 euros. Je sais pas ce que ça peut donner. Par contre, là, c'est pas un fight pad, c'est une manette classique normale. Après, on peut faire confiance à 8BitDo parce que effectivement, leurs manettes sont quand même relativement. Bah, elles marchent bien, mais là, c'est une manette à 25 balles, donc je sais pas. On verra. Ce tarif-là, je suppose qu'ils ont fait comme Ori, ils ont viré la batterie à remplacer par des piles. Je pense que c'est des piles, ouais. Ce qui, outre la taille de la manette, on l'alourdit forcément d'autant. Mais... Mm-hmm. Bon, c'est pas son pire défaut. Après, s'ils ont juste mis une manette et bido et juste viré les batteries pour un compartiment à pile, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, après, d'un point de vue software, on retrouve la même chose que sur la NES Mini, c'est-à-dire des save state. Ouais. On retrouve en plus une fonction replay qui me laisse très dubitatif, parce que dans la mesure où il faut aller appuyer sur le bouton reset de la console, aller dans le menu du save state, appuyer sur le bon bouton, puis ensuite choisir le moment à partir duquel on veut relancer le jeu. Alors, c'est suffisamment laborieux pour vous pas vous tenter de l'utiliser tout le temps, quoi. C'est... fonction à la Braid, c'est ça, en fait, l'idée. Ouais, plus ou moins. Revenir en arrière pendant une certaine période de temps. Ouais. C'est Braid, quoi. Ouais, c'est ça. C'est environ une minute, c'est un petit peu moins d'une minute sur la plupart des jeux. C'est plus long apparemment sur les RPG. Mais cela dit, je trouve ça marrant. Cela dit, oui, à mettre en œuvre, c'est une horreur. Hein. Je trouve ça marrant. Et ouais. C'est un truc qui me fait marrer, c'est que par exemple, imagine, t'as fait un truc de ouf sur un jeu, bah tu peux quand même le sauvegarder du coup. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ouais, faut le reset, le machin et tout. En plus, t'as vite fait d'écraser ta sauvegarde. Alors, si tu plantes de manip, tu peux même carrément quitter le jeu et ne plus jamais retrouver ta partie. Enfin, bon. On va dire que c'est gadget. Fou. Mais c'est rigolo. Ça va de pair avec l'autre grande nouveauté de cette Super NES Mini par rapport à la NES Mini, les cadres dégueulasses. Pour ceux qui sont dans le chat et qui, au pire, en veulent une, elle est de retour à Micromania et je viens de cliquer encore en... Okay. Donc à Micromania pour 80 euros. Voilà. Ouais. Et donc oui, ils nous ont mis plein de cadres, et vu qu'ils ont mis plein de cadres dégueulasses, on est très dubitatif, mais bon. Ouais. On s'imaginait revenir au bon vieux temps du Super Game Boy. Mais moi, je m'étais imaginé ça, moi, carrément. Ouais, c'est dommage. Ouais. Là, s'ils avaient fait ça, c'était pour moi une feature encore en plus. Un cadre Super Game Boy avec des trucs rigolos et celui où tu pouvais dessiner. Ah, ça, putain. Ah oui, oui. J'ai passé peut-être plus de temps à dessiner sur mes jeux qu'à jouer à des jeux avec le Super Game Boy. C'est. Voilà, là. On aurait pu faire un cadre avec une bite de chaque côté. Ah ouais, oh là là. Une bite, j'ai dit. Non mais vous avez mal compris. Non mais si, j'ai compris. C'est juste qu'on ne réagit pas en fait. On est choqué. Mais non, oui. On a pu dessiner 16 bits aussi. Oh. Ah. Donc, voilà. Est-ce qu'on parle des jeux maintenant? L'idée, voilà, on voulait un petit peu parler des jeux. Et commencer par quoi? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on commence par la fabuleuse excuse qu'on fait par ordre alphabétique? Ouais, je sais pas. On peut peut-être commencer à parler des jeux qui sont pas sortis chez nous. De toute façon, ils sont classés par ordre alphabétique. À la limite. Dans le menu. Voilà. Parce que comme je pense que sinon on va déborder à l'infini. Autant peut-être parler des choses effectivement qu'on n'a pas eu chez nous. Si c'est pour reparler de Mario World, je pense qu'on va penser, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. Enfin, on peut en parler. Hein, donc oui, la Super Nintendo Mini embarque 20 jeux au total plus 1. Mm-hmm. Il faut savoir, c'est important parce que je crois que tout le monde n'avait pas compris au départ qu'il s'agit bien, comme il avait été dit, de ROM US, donc en 60 Hz, par contre intégralement en anglais. Il n'y a plus aucun jeu en français. Même ceux qui avaient bénéficié d'une traduction française aux États-Unis, comme au hasard A Link to the Past. Voilà. Pas aux États-Unis, du coup au Canada, mais c'était une ROM US 60 Hz quand même, quoi. Ceux-là, non. En anglais. Et même les jeux avec très peu de texte, comme Super Metroid ou Yoshi's Island. Voilà. Non, c'est anglais intégral. Voilà. Il faut dire aussi que, de toute manière, les jaquettes derrière le packaging, c'est les boîtes US en fait, ouais. De toute façon. Donc on s'en doute que. Oui, mais ça, non, mais là, par contre, ça, si t'es un grand public, tu le sais pas. Tu sais pas oui, que c'est les boîtes US. Ils ont pas communiqué dessus de toute façon. Et c'est pas marqué même sur la boîte. Il y a des gens qui découvrent que les jeux ne sont pas. Ouais, ouais non, mais je sais bien, français, mais quand tu vois déjà avec les personnages de Contra 3, tu vois que c'est pas Probotector. C'est vrai, ouais. Mais c'est un vrai souci par rapport au grand public, ouais, malgré tout, parce qu'ils n'ont pas marqué clairement sur la boîte que les jeux étaient en anglais. Il y a marqué que les jeux sont des versions originales américaines en 60 Hz. Il n'y a pas marqué que tous les jeux sont intégralement en anglais. Mmh. Et ça, c'est pas c'est très, très sympa. Parce que tu peux t'en douter en voyant que c'est des jeux en version américaine, mais comme je dis, il y avait des jeux... Il aurait pu être en français, quoi. Il aurait pu y avoir la version française dans le jeu américain. Secret of Mana, Zelda 3, tout ça, c'était en français chez nous. Tout ça. C'est ça. Bah, les jeux en français, c'est Secret of Mana, Zelda 3, Yoshi's Island et Super Metroid, comme tu dis. Ouais. Tout ça. Et Donkey Kong Country. Le premier, oui, le premier est en français. Bah oui. Et donc, parlons donc de ces, Donc, il y a trois jeux au final dans la console qui nous viennent directement des États-Unis, auxquels on n'a pas eu droit à l'époque. Et bon, la chose qui nous déçoit un peu, c'est que c'est quand même trois jeux relativement mineurs de la ludothèque Super Nintendo. Ouais, ils sont pas ouf. Hein. Voilà. À savoir trois RPG que sont Earthbound, Super Mario RPG et Final Fantasy 3. Des trucs anecdotiques, quoi. Ouais. Oh, bon, personne n'en avait entendu parler avant. Hein. Voilà. Bon. Est-ce qu'on met Payle sur les rails et qu'on parle directement de Final Fantasy 3? Oui, totalement. Dans le Special Square, non? On en a parlé, oui, dans le Special Square, mais donc FF3 est là. FF3, c'est la version américaine de Final Fantasy 6, mais le troisième épisode sorti aux États-Unis, blabla, tout ça, on s'y perd. Que dire sur ce jeu? Oh bah je cherche tous les synonymes là dans le dictionnaire de fantastique, fabuleux, jouissif, hein? On prend lequel? Mais objectivement c'est un chef-d'œuvre, donc voilà quoi, y a rien à ajouter. Si vous n'avez pas senti la moustache de Pell qui est en train de se friser au moment où il a parlé du FF6 quand même. toi à l'époque Pell, tu as joué à l'époque à FF3. Ouais. Ah oui, je l'avais fait en américain, ouais, à l'époque, ouais, complètement. Et une petite anecdote, justement, quoi, quand je l'avais eu, j'étais tellement retourné par le jeu, même graphiquement, que c'est con hein, ce que je veux dire. C'est que je pensais qu'on avait atteint le summum graphique. Et je m'étais dit, c'est, on ne pourra jamais faire plus beau. C'est con. On voyait la ville de Narche avec toutes les petites animations, les petites fumées qui sortaient des cheminées, tu sais, les thèmes enneigés. Ouais, tout, même les clébards, il y avait des clébards. On ne pourra jamais faire aussi, mieux. T'as eu un petit halo de lumière autour de toi avec une voix qui faisait c'est mieux, comme dans Amélie Poulain, dans ce qu'elle comprend qui est le gars des photomatons. Ah, mais c'est ça, mais de toute façon tout est fou, donc, de toute façon les compositions. Moi à l'époque j'avais j'y ai pas joué à l'époque, mais j'avais un ami à moi qui l'avait, qui ne me l'a jamais prêté parce qu'il avait ses sauvegardes dessus et qu'il avait peur que je lui efface ses sauvegardes. J'y ai joué, il me l'a montré plein de fois, jamais il me l'a prêté. Jamais. C'était moi en fait. Non, d'ailleurs Thomas, si tu nous écoutes, je ne t'en veux pas. Ah. Pas trop. et à l'époque, FF3, la plupart des gens, quasiment tous les gens qui l'ont eu en import, y ont joué avec un adaptateur. Donc on m'a lancé à l'époque le Fire, oui. La D29, la D29 Upgrade, tout ça, oui. Qui faisait passer le jeu sur nos consoles européennes, mais qui le faisait passer en 50 Hz. Et il faut savoir pour l'anecdote que ça a créé des bugs, en particulier deux bugs. On ne pouvait pas avoir accès au menu des items sur la carte en mode 7, et il y a une partie de la séquence finale qui plantait, ce qui fait que ceux qui ont fini à l'époque n'ont jamais pu voir la séquence finale en intégralité. La frustration. À 50 Hz, voilà. La frustration extrême, quoi. Et donc ça permet de réhabiliter. Après, le jeu était ressorti sur GBA dans une version française intégrale et non censurée par rapport à cette version américaine. Et très bonne traduction française sur la version GBA. Oui. Mais on perd évidemment une bonne partie des qualités du chipset sonore de la Super Nintendo pour tout ce qui est là, le... Ah oui, puis la Game Boy Advance, le son, c'est vraiment son défaut hein, quand même. Hein. C'est vrai. Ouais, bon, on l'a vu avec Tales of Phantasia. Hein. Mmh, mmh. Ouais, oui, pire adaptation qui existe. Mmh. Ouais, mais... Voilà. Et pour enfin voilà, donc sur le coup, il faut absolument que les gens jouent une fois dans leur vie. Hein. C'est Final Fantasy. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Il y a des superlatifs, tout ça à dire. Mais c'est réellement un jeu majeur, quoi, du jeu vidéo, sans déconner. Quoi. C'est un truc. C'est un jeu qui est très. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu Final Fantasy à partir du 7 en Europe. Il est très différent d'FF7. FF7, c'est un peu le jeu où chaque personnage, on s'en fout un petit peu, on fait son équipe qui restera la même pendant tout le jeu, et avec des personnages qui n'ont pas vraiment de spécificité, FF6, c'est l'inverse. C'est une profusion de personnages, et un jeu qui vous impose de jouer avec tous les personnages et de suivre toutes les histoires. Il y en a 11 ou 12, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est énorme. plus un plot twist de milieu de jeu du niveau d'Iris Dice, méchant absolument encore, fou. Pour moi, encore pire qu'Iris Dice en vrai. Mais, et le méchant est beaucoup plus vénère, oui. Le méchant est très charismatique. Et le thème de la musique du combat de fin est meilleur que celui de FF7. Voilà, je l'ai dit. Dancing Mad, c'est une... Ah oui, oui. Bah, Beyond, on en parlait cette semaine. C'est vrai que le boss de FF6, c'est quand même un vrai boss, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Voilà. Il y a un streamer dont nous ne citerons pas le nom qui était déçu des boss de Thunder's Bound et de Super Mario RPG. qui a demandé si. Qui a dit oh, il faudrait un vrai bon boss de fin dans un jeu. Et on lui a dit joue à FF3, tu verras. Oui. <Voilà. rire> Ah oui, là il en aura pour son argent. Voilà. Bon, on va arrêter de parler de Final Fantasy parce qu'on est en train de perdre Chou. Chou ? Non, t'inquiète pas. Je dois regarder quelque chose entre temps. Parce qu'on a posé une question dans le chat qui était pour le coup très, très intéressante. Et on posait la question. Oui, par rapport au scandale, parce que Nintendo, c'est vrai que les ROM de la NES Mini, c'était des ROM dumpés par des gens sur le net. Enfin, des gens, quoi. Mais pas eux. Ils ont piqué des ROM sur le net. On les cherchait sur Emu Paradise. Donc, Exactement. Et c'est vrai que sur la SNES, à mon avis, vu qu'ils ont. C'est des mêmes composants, à mon avis, c'est la même façon de faire. Alors, j'ai juste examiné le. Sauf Star Fox 2, je pense. Voilà. Je voulais vérifier s'il y avait au moins le header en fait, de la ROM Super NES. Je suis pas un expert pour ce genre de truc, mais apparemment, j'en ai pas vu. Je suis en regarder en fait. Star Fox 2, le truc, c'est que c'est un build qui était jamais sorti nulle part et introuvable, donc il vient forcément de chez eux, là. Ouais, ouais. Enfin, je voulais vérifier s'ils avaient quand même pas intégré genre un header à la pour que l'émulateur puisse le lire ou quoi. Je vois ça nulle part. Voilà. Je peux sans doute me tromper, hein, mais. Voilà. Comble que Planète Emu ou tout ça. Apple après Nintendo en disant hey, mais vous commercialisez nos ROM à nous. Le procès de Planète Emu. Contre Nintendo. Ah, c'est très chou. Bon, un des trois autres jeux donc sortis, on va en parler parce que cette semaine, justement, sort son descendement direct, à savoir le remake de Mario & Luigi Superstar Saga qui était sorti sur GBA, qui sort sur 3DS aujourd'hui. Ce jeu n'existerait pas. Le VP Nintendo, il m'a contacté, il est content de la promo là, c'est bon. Ah oui. Et donc, c'est ce Mario & Luigi qui sort cette semaine sur 3DS n'existerait pas sans le fameux Super Mario RPG, où Nintendo offre Mario à Squaresoft en leur disant « Faites-nous un jeu ». Ça tombe bien, parce que j'ai laissé ma page de synonymes fantastiques, merveilleux et tout ça, je vais pouvoir les réutiliser, tu vois. Objectivement, tu penses qu'il est d'aussi bonne qualité qu'un FF3 ? Moins ambitieux et épique, c'est évident, mais ouais. Oui, il a une réalisation dingue quand même, c'est clair. Il a apporté un truc. Là, c'était l'époque, justement. Arrêtez-moi si je me trompe. C'était vraiment la fin de vie de la Super NES. Totalement, l'époque où il fallait. Il y avait la PlayStation à côté et tout. Il fallait des jeux en espèce de 3D bizarre comme Donkey Kong Country ou autre là. Et lui, il avait placé la barre assez haute quand même, hein, je trouve. Le rendu Silicon Graphics. Ouais. Je me rappelle de la preview dans le Player One à l'époque de Super Mario RPG. L'article, je me rappelle, disait que ça pouvait déjà nous donner une idée de ce que pourrait être le futur Mario 64. C'est dans l'idée de la 3D. Alors qu'évidemment, c'est aucun rapport. Mais comme on n'avait encore aucune image de ce que serait le Mario. En 3D, il n'y avait pas beaucoup de repères à l'époque. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer, quoi. C'était rigolo comme référence. Quoi. Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des designs de créatures qui... Bah, on sent que c'est Square Enix qui a fait le truc, quoi. Ça, c'est pas un jeu Nintendo. On sent que c'est pas l'univers Mario. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est... Ouais, c'est vrai. Ils ont tenté des trucs, mais par contre... Il y a une chose, oui, la chose principale que le jeu a apporté, évidemment, c'est son système de combat dynamique. Ouais. Avec le fait d'appuyer sur les touches en rythme au bon moment pour pouvoir maximiser ses attaques ou minimiser les coups des ennemis. Génial, ça. Ah oui, super, oui. Tu parlais du Silicon Graphics. Pour ceux qui veulent maintenant se payer une station de travail Silicon Graphics, ça ça vaut entre, allez, 200 euros HS et 1000 euros totalement personnel dans un état parfait, encore maintenant. Et il y a quelques années, ça ne valait plus rien du tout. Donc je ne sais pas pourquoi les prix sont remontés. Et par contre, la voilà, Mario RPG va pêcher un peu plus du côté du scénario. On va dire que c'est assez léger, pas très. Enfin voilà, c'est. C'est surtout aussi, c'est là où ils ont commencé à avoir une écriture très très drôle avec plein de blagues méta, des blagues sur eux-mêmes. Oui, voilà, mais un scénario de fond qui n'est pas très consistant. La trame de fond. Il y a quand même un plot twist qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. Oui, bah faut pas trop. Le plot twist du début. C'est quand même étonnant pour un jeu Nintendo. Oui, on n'était pas habitué à ça. Et c'était rigolo. En dévoiler, mais le jeu est le jeu. Oui, la trame de fond. Bon, voilà, méchant voler des trucs et voilà, puis c'est pas gentil. Voilà. casser sa bouche. Mais par contre, toute l'ambiance du jeu, enfin L'ambiance est cool. Les musiques sont bonnes sans être inoubliables. Enfin, moi, perso, elles m'ont jamais trop marqué. Ça reste du Shimomura, il me semble. La musique, c'est des remakes. Ouais, mais je trouvais ça bien. C'était des remakes. Oui, c'est l'orchestration des thèmes de Nintendo. Mario, c'était bien. Le thème de combat est stylé, je trouve. Oui, mais je trouve que c'est pas l'OST globalement la plus inoubliable qui soit. Oui, je suis d'accord. Non, parce qu'elle a pas pu faire ce qu'elle voulait, effectivement. Elle avait des. Au niveau gameplay aussi, c'est un jeu qui est pas très difficile, qui est même très abordable. Il y a certaines phases où on va se sentir un peu oppressé par. Je pense à une phase où il y a pas mal de boss qui s'enchaînent et c'est pas la fin du jeu en fait. Mmh. Et où tu vas dire oulala, mais bon, en fait ça va. Et ouais, globalement le jeu il se fait bien. D'un point de vue hardware, FF6 Man semble nous avoir quitté, mais c'est un jeu qui a emmerdé le monde, je vais le dire comme ça, pendant un bon moment. Oui. Oui. Parce qu'il fait partie de ces jeux qui ne passaient pas, même avec les meilleurs adaptateurs. Sur les consoles européennes, et en plus à l'époque où donc FF6 Man posait encore des doubles switch, ça fait partie des jeux qui ne fonctionnaient pas correctement avec le double switch. Les jeux qui rendent marteau les consoles, Super Mario RPG qui se posait là, c'est vraiment une très bonne occasion, surtout qu'il n'est jamais sorti sur aucun autre support. Ouais. Là, sur le coup, lui, je crois qu'il avait sorti sur la console virtuelle. De la Wii. La Wii U aussi. Aussi, d'accord. Oui, de la Wii, parce que je l'avais pris sur Wii U. Ok. Et donc, le troisième jeu inédit de... Avant que vous ayez autre chose à dire sur Mario RPG, j'enchaîne. On a déjà dit ce qu'il fallait pour que les gens aient envie d'y jouer. Le troisième jeu inédit, c'est le fameux Mother 2, qui s'appelle Earthbound aux États-Unis. Alors Earthbound, je vais commencer avec une petite anecdote. C'est le spin-off de Smash Bros. personne savait de vous dire ces persos, la NES, Lucas et tout. Non mais c'est vrai, tu as raison. À l'époque, ils sont sortis pour les Smash Bros. Il n'y a pas beaucoup de monde qui était au courant d'où ça venait. Voilà. Ce qui est normal, le jeu étant jamais sorti chez nous. Oui, exactement. Et il est jamais au Japon, donc il y a eu 3 épisodes. Il y a un troisième épisode sur Game Boy Advance. Que, soit dit en passant, le monde entier supplie Nintendo depuis qu'il est sorti de faire une traduction. On n'y a toujours pas eu droit. Il y a une fan trad française par contre qui a été filmée. Ils n'avaient pas plus ou moins promis en 2006 que le jeu allait sortir un jour Il y avait eu ça, mais on a eu droit à Earthbound Zero, donc le fameux Mother de NES, traduit en anglais. Mais par contre, Mother 3, toujours pas, et il existe des fan-trad, mais pas de traduction officielle. Mais là, donc, c'est le second épisode qui est sorti sur Super Nintendo aux États-Unis. C'est un des rares jeux, si ce n'est le seul aux États-Unis, à être sorti en boîte format grand. Big box, avec, ouais. Big box avec un guide à l'intérieur, au lieu d'un mode d'emploi traditionnel. Il y a également dans le guide des trucs comme des autocollants, si vous voulez acheter complet. S'ils n'y sont pas, c'est qu'il n'est pas complet. C'est la même boîte que Lilat Wars, en fait. D'accord. Et ce guide-là, merci Nintendo quand même, est téléchargeable intégralement parmi les modes d'emploi donc, de la Super Nintendo Mini sur Internet. Vous pouvez télécharger en PDF le guide intégral, en anglais, forcément. N'hésitez pas à jeter un œil dessus, il est vraiment très bien fait, et dans le guide est dans le ton du jeu, au niveau écriture, j'en dis pas plus. Il y a d'autres jeux Big Box qui sont sortis par chez nous, au Royaume-Uni, par exemple, Yoshi's Island, il est sorti en Big Box avec le jeu. Oui, et Metroid aussi, dans les Metroid, trucs, ouais. Est sorti, Super Metroid. Secret of Evermore aussi. Et alors par contre, Earthbound fait partie de ces jeux, ouais, acheter la SNES Mini, c'est pas cher comparé à acheter Earthbound. Pour l'anecdote, moi, c'est un jeu que je regardais il y a, on va dire, 10, 12 ans, 13 ans, pour m'acheter pour ma collection. Il était à l'époque dans les 200 à 300 dollars complets, et je trouvais que c'était prohibitif et complètement farfelu. Pareil pour moi. Aujourd'hui, un Earthbound complet en boîte et notice, on est en grosso modo entre 800 et 1000 dollars. Ouais. Acheter la SNES Mini. Là, pour le coup, la SNES Mini, elle prend un peu de sens. Le jeu seul en loose, pour peu que vous tombiez pas sur une carte mode, à moins de 100 dollars, c'est même pas la peine. Rêver. Totalement. Ouais. Avec une pile qui marche. Voilà. Par contre, je ne pourrais pas vous parler d'Earthbound parce que je n'y ai jamais joué. Moi, je l'ai jamais terminé. Je compte sur vous. Je l'ai pas terminé, mais je l'avais acheté sur console. Earthbound, c'est un jeu qui est fou à plusieurs niveaux. On parle souvent des jeux de Nintendo qui sont hors de des chartes Nintendo telles qu'on les imagine. Earthbound, il est totalement là-dedans. Avec un ton complètement déjanté du début à la fin, avec tout plein de lulls partout, un monde réaliste, mais pas trop, des compositions musicales sorties de nulle part. Je l'ai déjà dit ici, je crois, mais il me semble que c'est la cartouche ayant le plus de compositions dans une ROM Super NES. Quoi. D'accord. L'OST est tellement indescriptible. Oui. Il faut y jouer en fait. Il faut jouer et écouter. T'as un mot, c'était perso en fait qui sort de nulle part. Le design d'un personnage comme je crois c'est Mister Saturn. Oui, Mister Saturn, ouais. Oui, et puis même, c'est un jeu qui brise le quatrième mur assez régulièrement, c'est une écriture particulière pour l'époque. Je ne vais pas être grossier, mais vous regardez Monsieur Saturn. Bon, non, je ne vais pas faire de comparaison. Les deux seules choses... Couille sur patte, c'est ça que tu voulais dire? Comment? Tu veux dire que c'était une couille sur patte? Voilà. Bienvenue aux viewers de Sapin. D'ailleurs, voilà, vous arrivez sur... ça parle de couille sur patte. Tout va bien. Et les deux choses aujourd'hui qui pourraient rebuter les gens en jouant à Earthbound, c'est ses graphismes, tout simplement, qui sont pas formellement beaux, mais qui sont pas faits pour être beaux. Je sais pas comment expliquer. Ils sont faits pour être dérangeants. Ouais, non, mais c'est bizarre à dire comme ça, mais de toute façon, quand on joue au jeu de base... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Super joli, moi. C'est pas moche, mais... Le parti pris est particulier. Oui, je trouve super joli parce que tu vois, c'est exactement comme on avait vu pour un jeu Mega Drive Beyond, tu sais, le jeu plateforme qui reprenait du graphisme un petit peu comme les comics anglais. Comment ça s'appelait, tu vois. Là non plus, tu trouvais ça pas très beau, mais justement, ça a une patte, quoi. Ça fait un dessin très, très épuré, très joli, très comics, justement. Je trouve que les petits personnages, Ness et tout ça, on les verrait bien dans Snoopy avec Charlie Brown, les Peanuts et tout ça. C'est carrément le même design. Moi, je trouve ça dérangeant, même au niveau de la technique pure. Y a pas beaucoup, y a beaucoup moins de détails que dans des jeux comme Final Fantasy ou Mario RPG. Il y a beaucoup moins d'animation. Que ce soit sur la carte ou que ce soit dans les combats, c'est pas un jeu qui s'appuie sur la technique, sur une technique visuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu le mets côte à côte avec Mario RPG FF3, les gens vont se dire bah c'est pas très beau au premier abord. Oui, et puis même au niveau des combats, c'est assez minimaliste, il y a des c'est particulier. L'autre chose qui pourrait déranger aujourd'hui sur Earthbound, c'est vraiment sa jouabilité. Et le fait que le jeu est vraiment exigeant, en vrai. Oui. Oui, c'est difficile. N'importe quel mob peut te one-shot. Ouais, il faut faire gaffe. Si tu fais pas attention. C'est le plus exigeant de tous les RPG de la Super NES Mini. Oui, il y a aussi des passages dans le jeu où c'est chiant. Disons qu'il y a des passages en commun. On irait comme un point and click. Il y a des choses à faire. Effectivement, si tu n'adhères pas au parti pris du jeu qui veut te faire faire ça, tu vas vite décrocher. Et c'est vrai que ce jeu-là, pour certains joueurs de maintenant, ils risquent d'avoir mal s'ils adhèrent pas au parti pris, s'ils comprennent pas le jeu, comment il est fait. C'est ça. Et un bon niveau d'anglais, relativement bon niveau d'anglais, totalement, requis, quand même. Parce qu'il y a des sacrés jeux de mots dedans, il y a pas mal de choses. À propos de l'anglais, par rapport à la version japonaise, il y a eu beaucoup de censure, hein, je crois, dans ce jeu-là aussi. Je pense aussi qu'il y a peut-être eu aussi des problèmes d'adaptation. Je pense qu'il y a des choses qui étaient compliquées à adapter. Hein. Mais dans l'ensemble, ils se sont pas trop mal débrouillés, je pense. Moi, c'est les trois jeux inédits, donc totalement chez nous. Et après, le dernier jeu inédit, donc de la petite boboite, c'est un jeu qui est inédit pour tout le monde, enfin, sous cette forme-là, en tout cas. Si on doit en parler, je pense que moi, sera le mieux placé. Donc, pour la première fois, nous avons accès à la version finale. Donc, Megaman X, Nous avons accès à la version finale du Star Fox 2, d'Argonaut Software. Totalement. Qui est vraiment un des arguments de vente massifs. Alors, pas tant en Europe, bizarrement, c'est pas marqué sur la boîte, en gros, en Europe, comme c'est marqué aux États-Unis. C'est vrai. Star Fox pour la première fois dedans. Et pourtant, c'est un jeu qui, en Europe, a relativement bien marché à l'époque. Oui. Le Star Fox. Star Fox, ça a marché partout. Ouais. Et donc, c'est un jeu qui s'est retrouvé, vraiment en fin de vie de la Super Nintendo. Le jeu s'est retrouvé ultra bradé. Je me souviens d'une promo au moment de Noël chez nos amis Auchan, où le jeu était vendu 50 francs. Ouais. Moi, je me souviens, pour anecdote, j'avais acheté à Super Nintendo assez tard, j'avais acheté le pack Donkey Kong Country avec deux manettes, et j'avais pris Secret of Mana en plus, et il m'avait offert Starwing. D'accord. Bah, c'était classe. Moi, ouais. Je me souviens que à mon Leclerc, Starwing était en démo. T'avais une télé qui tournait dans le magasin multimédia et il y avait Starwing. Je suis passé devant, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? Puis le vendeur il disait c'est sur Super Nintendo. Je fais quoi? Mais t'es fou! Mais pour l'époque, faut être honnête, c'était une véritable claque. C'était. Alors oui, parce que peut-être parler de Star Fox du coup, finalement. Starwing avant, peut-être, avant de parler du 2. Mais. On peut parler pour remettre dans le contexte. Contextualiser, c'est bien. Mais c'est un jeu qui moi m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier, c'est mon premier, je sais pas si on peut appeler ça un shoot'em up, mais si quand même un peu. Hein. C'est un shoot, c'est totalement un shoot'em up. C'est mon premier shoot'em up. C'est un rail shooter. Ouais, plus un rail shooter qu'un shoot'em up. Mais bon, moi, bref, j'avais un vaisseau spatial, je tirais sur des trucs, c'était cool. Il était en 3D, mais c'était de la 3D, il y avait juste des polygones. Mais des gros 3D, c'est de la 3D fil de fer avec des textures quoi. Voilà, sommaire pour la super, mais des textures quand même. Bah en fait, c'était même pas. Enfin, c'était de la texture. Non, c'est pas les textures. C'est texture. La 3D, c'est ce qu'on appelait la 3D face plane. Voilà, c'est ça, c'est la face plane. C'est les aplats de couleurs. C'est justement, c'est ce qu'il y a avant la texture, justement. Et c'était du coup, ça donnait un style très épuré au jeu, mais du coup, avec une ambiance, une DA du coup très particulière. Et je trouvais ça super cool. Et il fait partie de ces jeux, on l'a sans doute déjà dit, mais qui montre que même si un jeu il tourne en 12 FPS, tu peux quand même t'amuser dessus. C'est vrai. Oui, parce qu'à l'époque ça ne nous dérangeait pas. Mais Starwing tourne vraiment à 10 FPS. Mais littéralement, vraiment, hein. Vraiment. C'est, vous prenez un test Digital Foundry, ils vont vous montrer, voilà, c'est 10 FPS quoi. Mais c'était quand même bien. Tu avais ton truc en 3D, tu faisais tes tonneaux, tu tirais sur des trucs, ça explosait. À l'époque, les jeux 3D, il n'y en avait pas tant que ça. Bah ouais. Il y avait des jeux comme Hard Driving sur Mega Drive qui tournaient pas plus vite, si ce n'est peut-être plus lentement encore. Ouais. Donc, bon. Virtua Racing, Mega Drive, je ne sais pas s'il était encore sorti, s'il était déjà sorti. Il n'est pas sorti un peu après, il me semble. Mais Hard Driving, c'est pas Atari, ça? Un peu plus abouti, la 3D. Il me semble que si, Chou, mais si ne dis rien. Bien, ouais, non. On sait à quoi tu penses, mais non. Non, mais même pas. Non, totalement. C'est vrai que le premier Starwing, j'y ai beaucoup joué. Bon, déjà, c'est que parce qu'à l'époque, on n'avait pas 800 000 jeux, donc sur le coup. Ouais. Alors, le jeu qu'on avait. Le jeu était notable déjà par ses trois routes différentes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Qui fait quand même, ça faisait beaucoup de niveaux au final. Ouais, et j'ai lutté hein, pour finir la route difficile là. La route 3 est vraiment. J'ai vraiment oui, lutté. Hein, là, je me souviens encore des planètes, hein, Macbeth et autres là. Il y avait une ambiance vraiment excellente quand même. Bah, moi j'aimais une beaucoup. Mise en scène. Que... Et puis il y avait une mise en scène, la musique et tout. Et moi c'est marrant parce que quand je jouais à ça, tu sais, le côté petit animal un petit peu robotique, ça me faisait aussi penser le délire à, de personnage de Samurai Pizza Cat. Et puis en plus, c'était un petit peu la même époque. Ouais, ça, d'accord. Ouais. Et quand ouais. je jouais à ça, mais je crois que je te l'avais déjà dit, moi, c'est qu'en plus, à la fin, c'était incroyable, à la fin du générique de Samurai Pizza Cat, regarde, j'ai envoyé l'image dans le Discord, à la fin, tu avais le. Sur le chat aussi. Hein. Fax. Et quand je jouais à Star Fox, le personnage. Tu sais, le renard qui était un petit peu la même gueule que ces personnages-là, j'avais vraiment l'impression de jouer à Samurai Pizza 4, quoi, tu vois. Star Fox, ouais, effectivement. Ouais. Merde, j'ai fait de la merde, attendez. C'est ça. Et il y avait aussi donc des easter eggs, il y avait quand même deux niveaux cachés, ultra cachés. Ouais. Oui, avec la machine à sous. Avec un machine à sous très particulier oui, à l'époque, bien sûr. Vraiment fou. La lune de Majora. Ah, il fallait les trouver, quoi, déjà. Et ouais. Voilà, il fallait savoir quoi faire, hein. Un vrai ouais. boss fort de fruits aussi, un vrai grand méchant. Oui, ah bah ouais, ouais. Ah, il était Andro, c'était magnifique. C'est très très bizarre, hein, quand même. C'est un concept quand même. La première phase, tout le monde la connaît, c'est le gros masque qui crache des tuiles là, mais la deuxième phase, j'ai jamais trop compris ce que c'était censé être. C'était pour montrer que la Super NES était magnifique. Mais et qu'elle savait faire des choses. Les musiques étaient vachement bien. Aussi. On n'a pas abordé quand même l'éléphant. En plein milieu de la pièce. Pourquoi le jeu, il s'est appelé Starwing chez nous? Ah ouais. Et c'est vrai. Parce que Star Fox était déjà pris. Apparemment, selon... Je sais plus qui avait sorti cette info, ils avaient peur en fait que le jeu... une compagnie allemande du nom de Star Vox leur fasse un procès. D'accord. Et, voilà. Voilà. Et du coup, il s'appelait Starwing. Et en plus, Starwing. S'ils avaient attendu quelques mois, je crois que selon ce que j'avais lu il y a quelques temps, la compagnie en fait Starvox a dû crouler quelques mois à quelques semaines avant la sortie du jeu. Et ben, ils auraient totalement pu appeler le jeu Star Fox. Mm-hmm. D'accord. Starwing aussi a aussi une petite chose qui était à l'époque pas très courante dans les jeux. Il y a un mode d'entraînement. Ouais. Ah ouais. Vous pouvez vous entraîner à piloter et ça fait partie de ces jeux où vous pouvez changer la direction des touches haut ou bas. Oui, c'est vrai. En fonction de ce que vous préférez, à savoir inversé ou normal. Et plus les autres touches aussi également. Tout, voilà, mais les autres touches c'était courant, mais ça, ce genre de petits détails à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de mode d'entraînement, ce genre de choses. Vraiment, le jeu était très très bien conçu globalement. C'était un plaisir. Ouais. Et puis, il y a eu également, qui existait à l'époque, donc une version compétition du jeu qui est sortie aux États-Unis et en Europe oula. Pour un concours qui avait été fait. Ah, c'est le moment où il se la pète, avait... hein, je vous préviens. Il y a un concours qui avait été organisé aux États-Unis et un concours qui avait été organisé en Europe. Et chacun des pays d'Europe avait eu un grand gagnant. Nous, c'était à Télévisator 2, le grand gagnant avait gagné un blouson à l'affiche de Starwing, qui est superbe d'ailleurs. Et donc ces petites cartouches là, il y en a certaines qui se sont retrouvées dans la nature et c'est un des jeux Super Nintendo les plus recherchés aujourd'hui, la fameuse cartouche Star Fox Competition qui existe en allemand et en anglais en PAL. En anglais. C'est le moment où il qui contient deux niveaux du jeu plus un troisième totalement inédit avec un timer. Voilà. Voilà, j'arrête de me la péter. Voilà. Et juste pour info, le jeu s'est quand même vendu à 3 millions d'exemples. Donc effectivement c'est un million de sellers. Ouais. Voilà, c'est... Ouais. Et en Europe, il y en a plus de 500 000 qui sont partis. Ouais, il est pas mal. Donc c'est un jeu quand même qui a relativement bien marché. Après, attention, à 300 000 selon les manifestants. Non, mais je dis ça parce que récemment, j'ai fait une petite parenthèse très drôle, j'ai aidé donc Mike à écrire un article sur le site leguidedducollectionneur.fr. On est tombé devant une impasse, devant une info qui est totalement invérifiable de chez nos amis Retro Gamer, qui est un magazine anglais, mais une info invérifiable. Ils affirment qu'il y a eu moins de 15 000 Amstrad GX4000 vendus dans toute l'Europe. Mm-hmm. Ce qui me paraît totalement farfelu. du fait que c'est pas le truc le plus rare au monde, étant donné que bah, j'arrive à trouver des jeux à peu près facilement. Mmh. Donc voilà, une info totalement invérifiable, il n'y a qu'eux qui sortent l'info. Mmh. Donc voilà, donc des fois, on tombe sur des chiffres, mais... Enfin, pour Star Fox, ça me paraît quand même crédible. Sur ces entrefaits, donc, Nintendo a quand même assez rapidement mis une suite en chantier. Et selon la légende, la sortie de Star Fox 2 serait entrée en plein choc. Il s'appelle Orion. Vision avec les PlayStation et Sega Saturn. Et pour éviter de faire pâle figure face aux capacités 3D de ces consoles-là, Nintendo aurait pris la décision à l'époque de ne pas sortir la suite qui était totalement finalisée chez donc, la société Argonaut qui s'occupait de ce jeu. Jusque-là, on est d'accord ? Totalement. Jusque-là, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Voilà. Et donc, Nintendo... Donc, à l'époque... Je résume pour ceux qui auraient entendu ou vu des choses. Les sociétés comme Argonaut étaient payées pour développer les jeux, mais les jeux appartiennent à Nintendo. C'est comme ça qu'il y a 6 mois environ, lorsque Nintendo a annoncé la Super Nintendo Mini, les anciennes chez Argonaut ont été les premiers surpris d'apprendre que Star Fox 2 se retrouvait dans cette Super Nintendo Mini. Mais en fait, c'est un petit peu normal, c'est parce que le jeu, techniquement, ne leur appartient plus. Donc Bah oui, si c'est plus leur propriété, effectivement. Mais il a trouvé normal, en plus le type, hein, il avait expliqué, voilà, c'était le jeu. Et puis de toute façon, il en voulait personne, puisque de toute façon le jeu était fini, il avait fait son taf. Hein, il expliquait. Ouais, ouais, ouais. Alors pour vous situer, qui est Argonaut Games en après tu peux avoir la politesse, c'est la courtoisie, mais bon. Oui. Bref. Oui. Donc ils ont fait King Arthur's World sur Ernest. Enfin, qui se souvient du jeu. Voilà. Ils ont fait Croc sur PS1. Oui, Argonaut, c'est le logo, c'était un casque. Une tête avec un casque romain, là, ou je sais plus quoi. Ils ont fait un jeu pour le coup sur Nintendo 64, Bug Bumble. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les fameux développeurs de Bug Bumble. Et par contre, là, attention, là, ça se gâte. Ils ont fait un jeu pour la GameCube. Enfin, en tout cas, ils sont crédités. C'est Catwoman. Pardon. Oui, c'est eux aussi, je confirme. Je confirme. Voilà. Mais ben, donc en vrai, ils n'ont pas fait beaucoup de bons jeux parce qu'en croc, en vrai, c'était nul. Hein. D'accord, on stigmatise des jeux comme Bubsy 3D, aussi, mais croc, c'était pas bien. Ils ont fait aussi Vortex sur Super NES. Je sais pas qui se souvient de Vortex aussi, c'était, oh mon dieu, c'était un des jeux avec Super FX, justement, qui était buggé jusqu'à la moelle. Vortex, c'était pas bien. Avec l'espèce de robot rouge. Ah donc, oui, je vois maintenant, oui, je vois. Et donc, Nintendo, il y a des ROM, et on ne sait pas comment, il y a des ROM qui sont sortis de chez Argonaut, de version bêta, ce Star Fox 2, de version presque finalisée, mais jamais la vraie version finale, retail, qui devait sortir telle qu'elle dans le commerce. Et en guise donc la version complètement finalisée, c'était celle qui était le mode qui était en debug mode et tous les petits ajouts de Nintendo, qui étaient chez Nintendo, justement, quoi. Mais, ils avaient fait juste la programmation à 99%. Puis voilà. Après, il y a peut-être une raison légale. Peut-être qu'il y a un développeur qui a laissé tourner ou vendu un proto, une version bêta, sachant que la version finalisée, il l'avait déjà vendue à Nintendo, et que derrière, voilà, si ça se retrouve dans la nature, ça aurait forcément été eux qui l'auraient fait fuiter. En tout cas, Nintendo s'est quand même bien servi de ce jeu pour vendre sa Super NES Mini. Alors, est-ce qu'ils avaient besoin de ça pour la vendre? Je sais pas. Je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont acheté pour ce jeu. Justement, je pense aussi, hein. Il sort d'où? Enfin, tu sais, personne ne le connaît, personne. Je sais pas. Ouais. D'autant plus qu'il faut le débloquer dans la Super NES Mini. En finissant le premier niveau de Star Wing. Je pense comme toi, moi. Ouais. Je pense que c'est justement Star Fox 2 parle plus justement aux gars qui, comme nous, qui connaissons un peu les jeux là, justement. Alors que justement le client lambda, lui, il va se rappeler les jeux de l'époque. Ça va être Mario World, Zelda, puis peut-être Secret of Mana, puis Mega Man X. Mais c'est vrai, les plus populaires, quoi, de toute manière. Par contre, pour parler rapidement de ce Star Fox 2 lui-même, intrinsèquement, au niveau du gameplay, au niveau des qualités ludiques, beaucoup disent que finalement c'est un des pires jeux de cette Super NES Mini. Alors, non, je vais modifier ce que tu dis. C'est le pire jeu de la Super NES Mini. Malgré la présence de Kirby's Dream Course. Ah bah, alors, non, Kirby, alors sans avoir joué à Kirby's Dream Course, Star Fox 2 est pire. Voilà. Kirby, moi j'aime bien, mais c'est un jeu qui est rigolo, mais qui est juste très dur, en fait, pour ce que c'est, savoir un jeu de golf. Mais des retours que j'ai eu ouais justement tu fais bien dire ça mais des retours que j'ai eu du Kirby moi c'est que c'est pas un mauvais jeu quoi c'est juste bizarre qu'il se retrouve là je l'ai joué très souvent en émulation et il est cool mais j'ai chopé une version Jap je crois il y a quelques mois Il est très agréable mais il devient très vite suffisamment difficile pour t'imposer d'apprendre par cœur littéralement tous les parcours ouais. Et donc Star Fox 2, dans son concept déjà, est totalement différent du premier, puisqu'on n'a plus du tout un début, un milieu, une fin et des chemins différents. On a donc là, c'est Corneria, c'est ça, qui est attaqué. C'est ça. Et on doit repousser les assauts des ennemis jusqu'à arriver à défaire complètement la compote. En fait, Andros, il se back, Andros est revenu et il est sur sa planète. Grosso modo, il a deux avant-postes et deux croiseurs qui vont carrément se balader sur la map et ils vont régulièrement nous envoyer des ennemis, des missiles sur la gueule, sur la planète. Et le but du jeu est de détruire les avant-postes et les troupes d'Andros en fait avant que Corneria soit complètement atomisé. Et du coup, bah, il faut se balader avec son vaisseau, arriver sur une planète et faire une mission sur la planète. Une fois que c'est fini, aller à la mission suivante, etc. En essayant d'intercepter ce qui arrive sur la gueule de la planète Corneria. Quoi. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est drôle à jouer ? Et le problème, c'est bien. Le problème, c'est à la fois un problème et à la fois, je me dis, je crois que le jeu il souffre d'un défaut majeur. C'est que là, il était aimé. 50 millions de fois trop ambitieux pour la Super Nintendo. Il propose un gameplay où là t'es plus en mode rail shooter justement, mais où tu es libre de tes déplacements dans les zones de jeu. Donc t'as un truc entièrement dans un espace en 3D finalement, où tu as des vaisseaux qui arrivent, mais alors des vaisseaux c'est 5,5 quoi, maximum par zone de jeu. C'est du coup un gameplay qui est super vomitif, pas du tout agréable, puisque tu peux du coup te retrouver. Enfin, l'ennemi est derrière toi, il faut que tu le cherches, que tu te retournes et tout. C'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien. Il y a des phases. Pas bien, en tout cas. L'autre problème qu'on a vu, c'est des gros problèmes de performance. Ouais, encore pire que le premier. Ce qui est un exploit en soi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment au trop d'ambition. Ah oui, c'est clairement ça. Il y a des phases où on a le vaisseau à pied. Et à la limite, c'est celle qui se contrôle le mieux. Mais du coup, t'as une espèce d'autolock. J'en ai pas parlé ça quand j'avais streamé. Une espèce d'autolock qui fait que de toute façon, si l'ennemi il est pas trop loin en face de toi, c'est bon, t'as gagné quoi. Voilà. Et on sent qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils ont compris, par exemple, sur donc Star Fox 64, donc Lylat Wars, si je dis pas de conneries. Les phases où tu as des ennemis qui passent dans ton dos et tout, paf, ils ont implémenté des techniques de looping et de retour arrière et tout. Tu sens qu'ils ont vraiment appris de leurs erreurs par rapport à ce jeu. Mais Star Fox 2. L'autre petit truc aussi qui fait bizarre finalement, c'est que le jeu se termine en une grosse demi-heure. Ah ouais, une demi-heure, c'était plié. Donc je pense. Oui. En plus, c'est très très répétitif aussi. C'est une fois qu'on finit le jeu, une fois qu'on comprend la philosophie du truc qu'ils ont essayé de faire. On le finit une fois très rapidement, on se sent un peu frustré, puis on voit apparaître le tableau de fer avec le détail de ce qu'on a fait, voilà. Et une note merdique qui nous encourage à recommencer pour faire mieux. C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un pur jeu de scoring. C'est du scoring à 100%, et je pense que ça peut intéresser certaines personnes, hein, mais le problème c'est que le gameplay il n'est pas très suffisamment bien pour que j'ai envie d'y retourner moi, donc... Oui, c'est ça le problème, et puis c'est très très répétitif pour le coup, quand on voit le jeu, quand on voit les gens jouer, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais par contre, il y a le début, il y a la Star Wolf Team par exemple, hein, Il y a les phases justement où il y a des missiles qui vont attaquer Corneria. Donc on a une phase en vaisseau en 3D où on doit aller détruire des missiles, qui sont des missions qui vont parler à ceux qui ont fait Light Wars. Enfin, il y a ça, ça c'est déjà là, mais par contre c'est très mal exécuté. Par contre, il y a un truc, Fury en parlait tout à l'heure, il y a un truc qui fout une grosse claque quand même. Il y a un ennemi qui sert de demi-boss, c'est un espèce de dragon. Il mécanique, est extrêmement rapide. Il est rapide en plus dans ses animations. Il bouge super vite avec plein d'éléments indépendants les uns des autres. Là, techniquement, c'est une putain de grosse baffe dans ta gueule. Ça, tu peux pas lui enlever. Mais en fait, Fury, tu sais quoi? Je me dis, ce jeu est tellement nul. Enfin, tellement nul. J'exagère, j'ai déjà joué plus nul dans ma vie, malheureusement. Mais ce jeu est tellement mauvais et tellement court que ça ferait un bon jeu à speedrunner en fait. Pour faire rigoler les gens, tu sais. Mais bon, bref. Games.quick. Au prochain GDQ. Mais voilà, voici le dragon, d'ailleurs, que tu vois dans l'intro. Là, ça, c'est une grosse claque. Après, le reste, je me suis pas amusé. Je me suis vraiment pas amusé. La vérité, finalement, c'est que ben, peut-être juste que le jeu n'était pas assez bon, tout court. Ouais. Même pas en parlant face à la concurrence, peut-être juste qu'il était pas bon tout. Je pense que c'est pour moi ça la raison officielle, parce que un jeu qui est censé être fini, je le sors quoi. Enfin, je sais même pas. Si c'est vrai qu'en termes de rail shooter en face, ce qui s'est passé, oui, entre temps, j'en avais parlé dans le précédent podcast, c'est le Panzer Dragoon sur Saturn. Oui, c'est vrai que Panzer Dragoon, du coup, à côté, ouais, qui a un petit peu fait une toute petite démonstration technique de ce que ça pouvait être un rail shooter en 3D. Oui. Et là, ouais, malgré l'extrême classicisme de Panzer Dragoon, je pense vraiment, oui, que je sais pas, sur ce Star Fox 2, comme on l'a dit entre nous en off, on a l'impression que Cargonaut était un petit peu tout seul sur le coup, que qui a pas eu la même supervision appuyée que sur le premier. Il y a peut-être de ça, ouais, je pense que... Ou peut-être que la 3D, c'était... Ou peut-être que Star Fox, que ce soit le 1 comme le 2, finalement, c'était jamais que l'expérimentation de ce que Nintendo allait faire sur Nintendo 64. Oh. Leur ambition, c'est vraiment été de tester des choses, de voir... Après, comme je dis, il y a beaucoup d'éléments de ce Star Fox 2 qu'on retrouve après dans Light Wars. Hein, donc, Et je pense vraiment que le jeu est beaucoup trop ambitieux, en fait, pour la console. Hein. Peut-être bien. Proposer. Parce que finalement, t'as quand même un shooter 3D intégral avec tous les degrés de liberté sur Super NES, quoi. Mmh. Finalement, voilà. Et tu te dis, waouh, sacré prouesse technique. Bah, sauf qu'en fait, non, parce qu'ils ont pas réussi. Donc, trop ambitieux. Ce sera mon mot sur ce jeu, quoi. Ouais. Merci, monsieur moi. Pour en finir, avec les jeux qu'on connaît déjà, qui sont dans la Super Nintendo Mini, est-ce qu'il y en a celui que vous gardez, vous Moi, c'est Yoshi Island, direct. Moi, c'est pareil que Pelle. Je ne suis pas fan de jeux de plateforme, pourtant celui-là reste mon jeu de plateforme préféré. Avec FF6, hein, mais on ne va pas revenir dessus, enfin 3. Mais je veux dire, en plus, Yoshi Island, c'est... C'est vraiment la version Super NES qu'il faut avoir en plus, plutôt que la version Game Boy Advance. Oui. Il perd beaucoup, et même en technique et effets spéciaux, hein, il a perdu, il perd tout, parce que lui aussi, il avait le Super FX 2 dans sa cartouche. Ça se voit, hein, des éléments 3D dans le jeu, en décor, des déformations. Pas que pour les il y a des déformations. Voilà. Hein. Tu sais, quand tu as Kamek qui envoie sa petite poussière, tu sais, pour faire agrandir les boss, oui. Tu vois ce que je veux dire, tu vois une espèce de dégradé de couleur super joli, comme un rideau de couleur. Et ben ça, il a disparu dans la version Game Boy Advance. Dans la version Game Boy, il n'y a pas, parce que c'était le FX2 qui faisait ça. Voilà, apparemment. Au niveau des couleurs, au niveau des musiques. Dans la version qui est dans la SNES Mini, j'ai remarqué, je ne sais plus qui s'est amusé à faire un comparatif vrai hardware et émulateur, enfin en tout cas Super NES Mini. Les couleurs sont un peu plus sombres, et dans certains jeux comme Yoshi Island, le fameux passage où on peut bouffer, je crois, un ennemi, il y a une espèce d'effet un peu. Ah oui, c'est quand tu te shootes, quand t'as fumé la bœuf. Apparemment, ce truc-là, le décor disparaît, je crois. Oui, c'est Digital Foundry qui a remarqué ça. Je crois que le seul défaut d'émulation de tous les jeux qui est vraiment notable. Après, Yoshi's Island, déjà, c'est un jeu qui, même maintenant, L'émulateur, des fois, s'il n'est pas configuré comme il faut, il passe pas très bien. Ce que j'allais dire, Beyond, de tout à l'heure, tu disais justement qu'il y a des jeux qui tournent. Le Super Mario RPG tournait vraiment pas bien, tu sais, en émulation, mais Yoshi Island aussi, c'était une catastrophe. Oui, en plus, on peut dire que Yoshi Island arrive à quand même à mettre, même maintenant, arrive à mettre des gifles, plein de jeux de plateforme, que ça soit rien qu'au niveau graphique. Parce que ce qui a été fait à l'époque, maintenant. Ça reste mais, vidéo, il est fabuleux, oui. C'est surtout sur GBA, il ne faut pas y jouer parce que le fait d'avoir resserré le cadre pour convenir à la petite taille de l'écran GBA rend le jeu encore plus difficile qu'il n'est. Et il est déjà. Alors, Yoshi's Island, même sans faire le 100%, le jeu est difficile. C'est un jeu qui pose un rythme très lent dès le début, très cool, très calme, mais qui ne sera jamais gratuit. Jamais. Ouais. C'est un jeu, mais on le dit à chaque fois, mais c'est un jeu, il faut pas bourrer, il faut y aller cool et y aller méthodiquement, et parce qu'il est très difficile, quoi. Mais vraiment. Oui, bah déjà, si tu veux récupérer toutes tes pièces, et voilà, quoi. Mais il est dur, oui. Il est très, très, très, très dur. Et quand je voyais des gens qui disaient que c'est un jeu pour les enfants, je sais pas les enfants que vous avez, mais s'ils arrivent à finir le jeu en 100%, ils sont très forts. À l'époque, on le faisait, hein. Que ça mais là, c'était du vrai challenge, parce qu'en plus, c'est sûrement le Mario le plus long de tous, en plus. Hein. Les niveaux parce que quand on fait 100%, ça débloque des autres niveaux. Ouais. Ouais, mais les niveaux sont tellement longs, quoi. Et toi, Chou, ton choix personnel du cœur. Ouais, non, mais pareil. Hein. J'ose à peine demander, moi, ton choix du cœur. Non, mais alors, bon, outre la blague, Megaman X, machin, mais en fait, moi, c'est hyper difficile de choisir parce qu'il y a énormément de jeux. Moi, c'est ma première console, hein. J'ai découvert le jeu vidéo avec ça. Et moi, je vois du Contra, je vois du Donkey Kong Country, du Megaman X, enfin, tout ça, je peux pas choisir, moi, en fait. Zelda, enfin. Ouais, pour moi, c'est un truc de ouf, quoi. Non, mais après, la sélection de jeux, elle est exceptionnelle. Ils ont bien choisi. Ah ouais, pour moi, ils ont vraiment bien choisi. Le Kirby Golf, c'est un peu bizarre quand tu te dis qu'ils auraient pu mettre, je sais pas, du Turtle in Time, ou même Super Mario All-Stars, j'en sais rien, mais pourquoi pas, hein. Mais ouais, non, là, c'est pour moi, là. Donc, je vais dire Megaman X parce que je dois dire Megaman X, mais il y a même Super Metroid, on en a pas parlé, mais il y a Super Metroid. Oh putain, mais ouais, c'est vrai, Metroid quand même, quoi. Voilà. Ok. Moi, voilà. Mais je veux dire quand même Megaman X pour la forme. Ils auraient pu mettre Agane. Et moi, mon jeu du cœur, ça restera celui qui m'a fait acheter la Super Nintendo, c'est Secret of Mana. Ah. Eh oui, Secret of Mana aussi. Non mais moi t'as raison, il y a trop de trucs, c'est impossible à choisir. Moi je peux pas. Autant j'ai aimé Mario World, j'y ai joué chez mes voisins, j'ai adoré Link to the Past, tout ça, mais Secret of Mana a vraiment une place très particulière dans mon cœur. Makaimura, non, il y a pas. Au point que de toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez, Square, je dirais que votre remake c'est de la merde. c'est acté. Alors moi je lui laisse sa chance au remake, mais par contre à 40 balles je vais avoir du mal. Quelqu'un en particulier, là on le connaît le billon. Et oui, Oxymore dit, il y a bien Super Gozen Ghost, oui, Die Makaimura. Il y a Makaimura, c'est le Super Game. Ah, c'est Super Gozen Ghost. Bon, bah oui, alors il y est. Ouais. Il y est. Qui aussi, c'est pas que je remets pas en cause de ses qualités ludiques, mais c'est pas le meilleur jeu de la compile, je trouve. Il est sympa, mais il est pas fou, en fait. Non, mais il est sympa, mais en fait, ce qu'on retient de l'époque, c'est tous les ajouts graphiques. Ouais, voilà, l'introduction avec les zooms, ce genre de trucs, qui était bien relaté dans la cassette d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, le zoom sur le château du début. Exactement. Mais alors, dans ce cas, Castlevania 4, mais si, bien plus avec le chandelier, avec le lustre. Après, Castlevania 4, il y a tout, il y a la DA, il y a la musique. Incroyablement maniable. Je disais l'autre jour à Bison, Castlevania 4, c'est un des jeux que je fais régulièrement. Il est super agréable à jouer encore. Toujours, ouais. Ouais, il est vraiment bien. Je sais plus si on l'a dit, mais d'ailleurs, vu que Contra 3 c'est la ROM US, vous avez pas les robots. Vous avez les deux Rambos. Oui, on avait la censure à l'époque. Ça me fait chier parce que moi je fais partie des rares gens. Enfin, j'ai l'impression. Moi je préfère jouer avec les robots. Je trouve stylé les robots. Ils me font penser en plus à. Les robots sont très très bien. Hein, Ils ont un peu les mêmes tronches que les robots de Ghost in the Shell. Appleseed, oui, plutôt. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a Oxymore qui dit non, je dis pas que Super Ghost and Ghost c'est pas top. je dis que il y avait peut-être d'autres choix qu'on aurait préféré, comme beaucoup l'ont dit, par exemple Turtles in Time. On rêvait plutôt qu'il y ait ce genre de en jeu. En plus, Turtles in Time, ça a fait un autre jeu multi pour la console. C'est ça, on peut y jouer à deux. Ouais. Pour une machine, pour voyager dans le temps en plus. Ah ouais, ouais, bah là c'était parfait. Parce que Turtles in Time, je sais pas si on en a beaucoup parlé dans ce podcast, mais c'est un putain gros. Bah, comme Chrono Trigger d'ailleurs, à propos de voyager dans le temps. Oui, c'est vrai que Chrono Trigger. Bon, enfin bref. Bon, et sur le coup, Mademoiselle Colette. Bah elle dort. Tu l'as. Non, oui, je suis là. Je pas. Est-ce que toi, t'as un jeu Super Nintendo qui t'a marqué ou... Bon, bah, moi, c'est toujours le même problème. Hein. Je l'ai pas connu à l'époque, je la découvre à peine maintenant. Après, ouais, sur la liste des jeux, ah, bah, le décassé quand même. Oh, putain, puis après, oui, bon, mais comme oui. Vous avez dit, ouais, Yoshi's Island, Final Fantasy. Effectivement, ils sont un peu tous sympas, même s'il y en a certains que je connaîtrais pas. Mais bon, ils ont quand même pris un peu le gratin de tout ça. Quoi. Ah oui, ah, ils ont pris une sélection de jeux assez conséquente. Oui. Bon, alors sur le coup, maintenant, Colette, c'est le moment où. Ah oui, j'ai hâte. Parce que tu n'as pas connu la Super Nintendo, tu vas nous parler d'un jeu que toi. Mais il est l'heure là, c'est fini. Non, la patate. Ça marche non, pas. Mais non. Il reste 4 minutes. Non, il reste, ouais, non, il reste du rab, tout va bien. T'inquiète, il n'y a personne après. J'ai pris le créneau pour la soirée sur cette chaîne, pas de problème. Merde. Qui pensait y échapper? Non, alors déjà, pour vous excuserez mon élocution qui ne sera peut-être pas au top, mais en fait, est véridique. Je me suis endormie sur ma chaise et c'est mon chat qui m'a réveillée il y a à peu près 5 minutes en miaulant à côté. Ah. Mais bon. Bonsoir Tardis. Exactement. Si vous voulez parler à Tardis, venez sur le Discord du collectionneur. Hein. Voilà, il nous parle des fois. Il communique beaucoup sur Discord. À l'écrit, hein, je parle. Plus que moi. Hein, elle se tient plus informée. Voilà. Et en plus, donc, on te réclame sur le chat. Eh ouais, je vois ça, il y a Eliana Sable. Alors, j'ai longtemps hésité à savoir quel jeu je vous présente, dans la mesure où bah, vous commencez à me connaître. Hein, les jeux vidéo, j'ai mis, comme je disais, j'ai mis très longtemps avant de faire un jeu en entier et à m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour. Et outre le petit jeu de la patate très sympathique que je vous ai présenté la dernière fois, un des jeux assez marquants... qui au final pas si vieux que ça, et un petit peu le jeu qui m'a mis dans le bain du jeu vidéo pour de bon, que je n'en suis plus ressorti, c'est bien sûr Tales of Symphonia. Dars Colette, la partie Colette, vous comprenez d'où ça sort ? Bah oui. Pour vous replacer un peu dans le contexte de la découverte de ce jeu, c'était l'époque GameCube, PS2 par là, et en fait j'avais un copain à peu près de mon âge qui avait ce jeu-là. Et qui, une fois, m'a invité à la maison pour faire une soirée pyjama, je ne sais plus quoi. Et en fait, au matin, on est monté au grenier, on a branché la console, on s'est mis sur Tales of Symphonia. Et puis, à un moment, subitement, il y a mes parents qui sont venus, qui m'ont fait « Bon, il est 22h, on va peut-être rentrer ?» Et en fait, on avait vraiment joué toute la journée sans s'en rendre compte. On n'est même pas descendu ni pour manger, ni pour rien du tout. Et on a passé la journée à se balader dans ce jeu. On n'a absolument pas avancé. Les fameuses soirées pyjama, évidemment. Donc voilà, mon premier RPG. Le premier jeu un peu long et un peu sophistiqué auquel j'ai pu jouer. Et donc pour replacer un peu voilà, sur le contexte, s'il y en a ici qui ne connaissent pas le jeu, eh bien le principe c'est que... commencer dans un petit village, et avec vous, vous avez Colette, qui est l'élu du mana, qui doit sauver le monde, et faire la régénération du monde, pour que les monstres disparaissent. Et donc vous partez dans une espèce de périple, pour l'accompagner, pour qu'elle aille dans différents... bon, dans différents donjons, hein, grosso merdo, pour aller, tuer différents boss, et réveiller des esprits, pour faire revenir la paix sur le monde, et évidemment, tout un tas de rebondissements, et déjà ça à l'époque c'était un gros changement dans mes habitudes de joueuse qui faisait que des petits jeux Game Boy par-ci par-là. Il y avait des rebondissements, des il y plot avait des twists histoires un peu cachées qu'on pouvait deviner. Comment ? Non, je dis des plot twists comme on les aime. Des plot twists, exactement, des cliffhangers, les petits machins, les petits oh mon dieu, mais en fait depuis le début on nous a menti. Ah ! C'est ça. Et donc voilà, là, les quêtes qui repart. Et puis... donc voilà, ça c'était un jeu qui était sorti en 2003. 2000... Ah, j'allais dire 2004, mais... Et ouais, le premier Tales of Symphonia arrivé en Europe. Premier Tales of, en français. Et mon premier Tales of aussi, moi d'ailleurs. Ah. Et j'ai une grosse aussi. Anecdote sur ce jeu. Hein. Je vous laisse en parler là, mais après j'ai un truc de ouf. Ah, moi, c'était le Fantasia. Ah ouais, le Fantasia, ouais. 95 de Fantasia, alors celui-là. En plus, ce Tales of, hein, c'est un jeu, ça m'avait un peu marqué parce que. Bon, je vais pas spoiler la trame pour ceux qui l'ont pas fait, mais dès le début du jeu. Il se passe un truc et tu te dis putain, enfin c'est un peu hardcore quand même ce jeu. Ah ouais, c'est un peu. Les thématiques sont loin d'être. Ah ouais, les thématiques elles sont. Ouh, c'est un peu rude. Ça, ça tranche avec le ton assez enfantin des personnages entre eux, parce que c'est les enfants, basiquement c'est les enfants qui sont. Oui, ce sont des ados. Qui se dépassent totalement au départ. C'est des voyages initiatiques, c'est très JRPG. Pour peu que Lloyd commence le jeu en se réveillant. Et en se disant en marche, comment je m'appelle. Et en se prenant quand même la brosse à tableau dans la gueule. Oui. La première image qu'on voit ça, c'est Lloyd qui se prend la brosse à tableau dans la gueule, balancée par la prof. Ouais. Bref. J'avais un truc super intéressant à dire dessus, du coup, je ne sais plus. Oui, bon, du coup, ensuite, par la suite, le jeu, après cette fameuse journée sur les pyjamas où on a fait que jouer dessus, le jeu, il a continué à me trotter dans la tête et pendant des mois, j'étais là, mais où est-ce, pourquoi on a tourné en rond? Quoi qu'on aurait pu faire pour continuer, je comprenais pas. Tant et si bien que plusieurs années plus tard, quand on m'a offert la Wii pour Noël, merci Papa Noël, un des premiers trucs que j'ai dit, que j'ai vérifié, c'est on peut jouer à la GameCube sur la Wii, je veux Tales of Symphonia. Ah, la base. Bon, j'ai eu Tales of Symphonia, j'ai pas eu la manette. Bon, après j'ai eu la manette, mais j'avais pas la carte mémoire. Mais après... J'ai pu faire le jeu et c'est aussi un des meilleurs souvenirs que j'ai forcément sur un jeu, puisqu'en fait, bon, sur les scènes de combat, il y a 4 personnages qu'on peut régler soit en automatique, soit en manuel. Bon, jouer en manuel, c'est beaucoup plus rigolo quand même. Oui, c'est rigolo aussi. Et du coup, ça a été un jeu sur lequel j'ai pu jouer avec mes deux frangines et plus tard aussi avec mon petit frère, ce qui fait qu'on était les 4 de la fratrie. Camper sur nos manettes, les manettes Big Ben mini qui se pétaient, qui avaient les sticks qui partaient dans tous les sens. En fait. C'était vraiment le ghetto comme jamais. Mais c'est vrai que tu fais bien en parler parce que ce jeu il est entièrement jouable en multi. Bon, sauf le déplacement sur la carte, bien sûr. Oui, voilà, mais après, bon, au final, tu et regardes les cinématiques, t'en discutes. Et... Oui, après, et comme le système combat, c'est quand même relativement bien calibré. Quoi. Et ça, c'était pas mal aussi. Hein. C'était vraiment une bonne idée. Et ouais. Bon, après, ne parlons pas des innombrables quêtes annexes à base de aller récupérer des tenues additionnelles, aller récupérer... La quête des armes. Comment ? La quête des armes. La quête des armes. Des armes maudites. Oh là ah là. Oui. Là. Ah oui. Bah, moi, c'est je un dis... très, très grand souvenir pour moi. Je dirais aussi la quête des chiens, hein, où tu dois parler à tous les chiens du jeu. Hein. La quête des chiens, la quête de malheur que tu l'as fait à la fin du jeu et que là, t'apprends qu'il y en a un que tu pourras pas avoir parce que tu l'as loupé. Quête de la corde à sauter. Et là, t'as juste envie de bouffer ta manette. C'est mon premier jeu aussi que j'ai fait où il y avait un concept de New Game Plus. Ouais. Ah non, attends, dans Metal Gear Solid, il y avait New Game Plus aussi. Ouais, c'était vite fait. Là, il y avait vraiment du gros New Game Plus où tu pouvais vraiment faire suivre qui vont continuer d'ailleurs. Ouais. Et oui, pour ceux sur la VOD ou sur le stream qui ne connaîtraient pas la quête des chiens, il faut savoir que donc un des personnages principaux, à savoir Colette, la blonde élue du mana, qui me correspondait tout à fait à ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire innocente, blonde, un peu nunuche, qui se casse la gueule partout et qui pète la moitié des trucs. Et c'est un perso que j'aime détester justement pour ça. Ah oui. Eh bien, Colette adore les chiens. Et il faut savoir que dans différentes villes, points d'intérêt sur la carte, en fait, donc on a une gigantesque world map avec des petites villes posées par-ci par-là dans lesquelles on peut rentrer. Ça nous amène sur une autre map et presque systématiquement, il y a des chiens. Et si on va parler aux chiens avec le personnage de Colette affiché, elle leur donne des petits noms. Voilà. Et le but de la quête des chiens, c'est de trouver tous les chiens de tout le jeu. Et d'aller tous leur donner des petits noms. Genre, hey, salut, tu t'appelleras Poupou. Salut, toi, tu vas t'appeler Cacahuète. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Sauf que il y a un des chiens qui est loupable. Voilà. On en dira pas plus. Parce qu'il se passe un truc et ça fait que c'est loupable. Voilà. Et bien voilà. Et quand tu apprends que celui que tu as, qui est loupable, tu l'as loupé, t'es pas content. Ouais. Après, si tu es complétiste, effectivement. Sur les jeux Tales of, t'as quand même un paquet de quêtes qui peuvent être loupées. Si t'as pas le truc au bon moment, Tales of, c'est aussi ces 4 milliards de petites scénettes totalement inutiles, mais qui font que renforcer la cohérence du groupe. Et c'est ce que, moi, j'adore ça. J'adore ce côté-là dans les Tales of, ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup. Et alors, il y avait une histoire, alors ça, j'ai jamais pu le vérifier, mais en fait, justement, ces petites scénettes, et pas seulement, en fait, dans les dialogues, souvent, on a le choix entre plusieurs réponses, et en fonction des réponses qu'on choisira, on va avoir une espèce de stat invisible qui est l'affection des différents personnages pour le héros. Oui, mais vont c'est bouger. Et alors, il paraît que certaines cinématiques, notamment à la fin, changeraient si vous avez plus d'affection pour un personnage que pour un autre. Ça, je sais pas, mais le truc de l'affection, oui, ça a été. Il me semble que ça. Oui, il y a déjà dit. Si. Alors, oui, l'affection, c'est sûr, mais voilà, sur la fin, il peut y avoir un remplacement de personnage dans une cinématique. J'ai eu beau faire tout ce que je pouvais, j'ai jamais réussi à la choper. D'accord. S'il y avait le premier, entre parenthèses, super exemple dont on se souvient de ça, c'est dans Final Fantasy VII. Ouais, bah oui, bien sûr. Normalement, dans le Grand Saucer, dans le Grand Roux, on a un rendez-vous galant, qui normalement peut être fait avec Iris ou avec Tifa, mais on peut également avoir Yuffie et on peut également avoir Barrett. Ouais. Avec Barrett, c'est exceptionnel avec Barrett. Et Barrett qui est là en mode mais. qu'est-ce que je fais là mais qu'est-ce que tu fais en fait ouais, c'est marrant ça. Et ouais, mais ils ont d'ailleurs dans les FF, ils ont repris aussi dans le 8 hein, où tu peux plus ou moins répondre comme un gros chien à Linoa et du coup la relation évolue un tout petit peu. Bah ça reste scripté, hein, le scénario reste le même, mais voilà. Et dans le 10 aussi, t'as ça. Enfin bon, voilà. Mais dans Tales of, c'est très marqué, je trouve. On peut se passer. Bon après, est-ce qu'on parlera de Tales of Symphonia 2 Peut-être non, pour une autre fois. Si. Moi, c'est un jeu que je prends plaisir à oublier son existence. À ce point-là, il est vraiment à ce point-là pas bon. Prends Pokémon et tu le mets dans le monde de Et bah du coup, c'est super. Pas comment dire. Moi, en fait, alors j'ai rencontré des gens qui sont archi fans du 2 et qui m'ont dit que si tu n'aimes pas le 2, c'est que t'es trop bête pour comprendre ce que c'est qu'un vrai bon fanservice. Bon. Mais pour faire simple, toutes les parties que j'aimais dans Tales of Symphonia, notamment le fait de se balader sur la map et puis de devoir aller à, je ne sais pas, à Palma Costa par exemple, de passer, de voir qu'il y a un autre bâtiment, pouvoir te dire, mais en fait si je vais par là, ben là en fait dans le 2 c'est juste une liste d'endroits et puis tu choisis où tu veux aller. Voilà, et c'est tout un tas de trucs comme ça. Dans le 1, tu as le personnage de Shina qui a tendance à se casser un peu la gueule, je crois qu'elle tombe une fois au début et une fois à la fin dans des trous. Dans le 2, dès qu'il y a un trou, elle tombe dedans. Mais ça fait une espèce de running gag absolument pas drôle. Et autre personnage, et là je crois que c'est celui qui résume le mieux pourquoi le 2 est mauvais de par le fait qu'en en fait ils n'ont pris aucune liberté par rapport au 1. On a un personnage qui est Régal, le prisonnier, qui en gros te dit « D'ici la fin de l'aventure, je considérerais que ma peine est purgée, du coup j'enlèverai mes chaînes. » Et bien dans le 2, à plusieurs reprises, il va se démerder se retrouver, re-enchaîner, tu sais pas pourquoi. Bah simplement parce qu'ils veulent pas, ils veulent continuer à faire le mec trop stylé qui se bat avec ses pieds, mais c'est sur des idées complètement débiles qui te sortent de nulle part juste pour justifier que c'est bon. Ouais. Et puis le jeu, il y a un problème de rythme aussi. Il y a un problème de rythme, il y a un problème de narration. C'est assez incompréhensible pourquoi ils ont fait cette suite. Okay. Encore maintenant, j'arrive pas à comprendre quoi. Et puis même le jeu en lui-même, il n'est pas mésestimé parce que c'est la suite. Les gens ne l'aiment pas parce que. C'est pas un bon jeu. Je l'ai pas fait, j'en sais rien. Il faut essayer. Et puis même le système de combat avec les monstres. C'était ça. Dans le 1, on aimait beaucoup avoir beaucoup de personnages, tous bon, plus ou moins sympathiques, mais avec leur sort. Oui, mais tu pouvais faire des sacrés combos. Il y avait le style de combat des Tales of, et c'est assez suffisamment stylé pour faire des combos. Avec le fameux, en plus, les attaques à l'unisson, ça c'était un truc formidable, où chaque personnage, on lui assignait une attaque. Et il était possible qu'il y ait des espèces de combos qui se fassent entre deux attaques, ça faisait la super attaque sur sans t'être trop stylé. Bah là, t'as pas ça. C'est... Au niveau ça. IA, ça fait partie de ces jeux où il est relativement conseillé de garder un certain contrôle sur les autres personnages pour éviter de s'énerver, en particulier contre les boss. Ouais, oui, c'est des mecs qui lâchent leur truc dans le vent ou pas quand il faut. Ouais. T'es là, non. Non, non, non. C'est oui, après... de gérer les objets et tout. À chaque... Oui, mais c'est ça. Mais après, comme tu peux customiser, surtout dans les suivants, tu peux customiser assez facilement, t'arrives quand même à bien t'en sortir. Il faut jouer en manuel. De toute façon, les Tales, il faut jouer absolument en manuel. Il faut avoir le contrôle total du personnage pour vraiment faire... On a l'impression que le jeu est assez automatisé et assez bourrin, alors que pas du tout, en passant en manuel, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que ce qui donne l'air au départ. Ceci dit, après, bon, moi, pour avoir commencé à jouer en étant quand même relativement très jeune, puisque bon, avant que je finisse le jeu, ça a pris du temps, semi-automatique, ça va bien aussi, parce qu'au final, t'appuies sur A, le personnage se met automatiquement à portée, donc bon, bah, si tu veux bourriner en faisant que A, ça marche très bien. Au niveau jouer à Tales of Symphonia aujourd'hui, il y a deux options qui s'offrent aux gens. Il y a la version GameCube et la version PS3. La version Steam. Il est sorti sur Steam aussi. Pour la petite anecdote. Il était offert avec Tales of Vesperia. Zestiria, ouais. En fait, quand ils ont sorti Zestiria, ils avaient fait des espèces de palier un peu crowdfunding. Précommande. Si on en vend, je ne sais plus combien d'exemplaires. Au début, il y avait on vous offre une tenue, on vous offre une super arme. Et c'était à je sais plus combien, si on en vend autant, on vous offre à tous Symphonia. Et ça a marché parce que les précommandes ont explosé. Elles ont explosé à partir de ce moment-là, mais moi-même, le jeu ne m'intéressait pas tellement, mais quand j'ai vu que que pour le même prix, tu peux avoir deux jeux, dont mon préféré, j'ai dit allez, je et prends. Alors apparemment, quand il est sorti, c'était pas la folie quand même. Non, bah en fait, non, l'optimisation était pas. C'était un portage brut de la version PS3, mais c'est-à-dire la totale quoi, le 30 FPS. Voilà, tout ce qu'on n'a pas dit, donc la version GameCube est la seule qui tourne à 60 FPS. Alors, est-ce que c'est important pour un RPG? Peut-être pour le combat. Après, là, c'est un jeu, un action RPG quand même. Voilà, c'est de l'action RPG. Ils ont sorti donc une version PS2. Quelque temps après la version GameCube, qui est sorti qui est pas sorti en Europe, c'est ça? Ouais, uniquement au Japon. Je sais même pas si aux États-Unis. Avec quelques petits ajouts scénaristiques, mais surtout un FPS divisé par deux, donc un jeu qui tourne à 30 FPS. Ils ont porté le jeu sur PS3, qui lui, par contre, est sorti en Europe, mais basé sur la version PS2, donc il tourne à 30 FPS. Ouais, et j'ai la version, effectivement, c'est bizarre à jouer. Ouais. D'accord, moi j'ai pas testé. La meilleure façon d'y jouer, bon, c'est soit sur GameCube, soit avec une Wii qui émule très bien la GameCube. Et la version GameCube est pas très très chère. Ça reste un jeu qui est relativement abordable, entre 20 et 40 euros. Pas plus. Il fait partie de ces jeux qui se sont bien vendus et donc il y en a pas mal en stock. Ouais. Et donc ça va. Et aussi, petite anecdote, sur GameCube, du coup, il y a une GameCube édition Tales of Symphonia qui est sortie. Qui est sorti en Europe aussi, exactement. Oui. Donc, elle est vert métal, c'est ça? Enfin, pastel. Enfin, pastel avec... un peu brillant, non? Au pire, je mettrai la photo. Je sais plus. Mais ouais, c'est un vert bizarre. Un petit vert clair, très doux. Okay. Avec Lloyd sur le médaillon, donc le héros. Sur le capot, Médaillon exclusif. Et la manette, même couleur. Et la manette verte qui va avec, exactement. Donc moi, c'est bien qu'ils aient sorti le collector à l'époque, c'était pas, pas si commun. Bah ouais, c'est vrai que les collectors de JRPG comme ça, c'était... Bah ils ont voulu marquer le coup avec la traduction française, parce que ça allait de pair. Le premier Tales à sortir en France, traduction française intégrale, ils ont voulu marquer le coup, et ils ont eu raison, parce que ça a bien marché, mine de rien, le jeu. Après c'était un Tales of qui s'y prêtait plutôt bien, parce que c'est vrai que si on compare par exemple à Vesperia, qui est sorti sur la 360, c'est une histoire qui est tout de suite beaucoup plus... Vesperia est beaucoup plus adulte, très très adulte, très très plus mature. J'adore ce jeu, ça fait partie de mes Tales of préférés, le Vesperia. Voilà, il est chouette, mais il faut quand même déjà avoir une certaine maturité pour arriver à comprendre tous les petits ressorts scénaristiques. Le perso, et puis le perso principal n'est pas gentil. C'est ça aussi, Lloyd, il est mignon, Yuri, il n'est pas gentil. C'est pitié, quoi. Lloyd, à un moment dans le jeu... parce qu'on peut avoir des titres dans le jeu, il a le titre de doux idéaliste. Ouais, je m'en souviens de celui-là. C'est ce qui résume bien le personnage. Il peut avoir aussi le titre de pervers, mais comme dans tous les Tales of, avec tous les personnages. Évidemment. Mais si vous trouvez des personnages jeunes, inconsistants et parfois agaçants, soit l'œil de Colette, jouez à Tales of the Abyss, on en reparle. Ne dis pas de mal, Tales of the Abyss. Mais le héros principal. Oui. Ah oui. Oui, mais après, il est exceptionnel. Je suis comme toi, je l'ai détesté au début, mais après, il y a quelque chose qui fait que le perso, il est monstrueux. Moi, j'aime beaucoup Tales of the Abyss aussi. Hein, Très très bon jeu. Moi, j'ai une super anecdote sur Tales of Vesperia. Est-ce que vous en voulez ou pas? Ah, vas-y, c'est du Tales, vas-y. En fait, ça n'a rien à voir avec le jeu, mais... donc moi, à l'époque de Tales of Vesperia, il est sorti, j'étais un petit enfant, j'étais au lycée, et c'était compliqué d'avoir des sous pour acheter des jeux. Donc, non, je ne me suis pas prostitué, là, je vous entends marrer dans le sujet. Tu l'as volé. Non, non, mais du coup, j'étais là en train de baver devant le jeu, et puis on discutait. Alors à l'époque, c'était sur MSN, hein, voilà, oulala. Ah, avec plein de whiz. Là, c'est le rétro, hein, attention. Hein. Donc sur MSN, je discutais avec des gens et tout, puis dans un groupe, il y a des gens qui avaient tous Tales of Symphonia, sauf moi. Et qui disait, oh le jeu est trop bien, et ça spoilait pas, hein, c'était respectueux et tout, mais oh le jeu il est bien et tout, puis moi j'étais là, putain, je peux pas y jouer, j'ai pas de thune, machin. Et pour vous la faire courte, il y a un mec qui fait, putain, ça me gave, j'ai acheté Tales of Symphonia, mais. Symphonia, oui. Oui, Symphonia, c'est de Symphonia qu'on parle depuis le début là. Non, parce que tu nous as dit Vesperia. Non, non, c'est Tales of Symphonia. J'étais pas au lycée à l'époque de la 360. Donc, tu es jeune, Symphonia sur GameCube. Et un mec me dit, putain, je l'ai acheté le jeu, mais j'ai pas le temps d'y jouer. Et puis moi, j'ai fait, oh bah vas-y, file-le-moi alors. Et il m'a fait, ok. Et trois jours après, dans ma boîte aux lettres, je recevais donc Tales of Symphonia 9, gratos. Et le jeu venait de sortir, hein. Il avait quoi, 2-3 semaines, hein. Et le gars, il m'avait filé carrément un jeu neuf. Donc j'ai fait, ok, c'est bien. Merci à lui, parce que grâce à lui. Merci à toi. Donc, son pseudo c'était Joff, s'il se reconnaît. Merci beaucoup, parce que j'ai passé. Putain, mais t'avais des copains mieux que les miens. Hein. J'ai passé un agréable moment. Moi, il y en a un qui me montrait FF3 en me disant t'y toucheras pas, et toi, il t'offre. C'est ça. Ouais, je suis écœuré. C'est ça. J'ai prévu, hein, c'était dur, l'anecdote. Hein, c'est... Ok. Moi, j'ai aussi une petite anecdote que j'aime bien raconter. Comme je vous disais, c'est le premier jeu qui m'a fait un peu faire des recherches autour du jeu et m'intéresser à tout ce qu'il y a autour. Et en fait, et je l'ai toujours, j'ai été sur un site qui donnait plein de tips pour des quêtes, pour tout un tas de trucs, hein, pour les tenues, pour l'histoire des chiens, bon, comme je disais, les quêtes annexes, les recettes de cuisine, enfin pour absolument tout. Et j'ai imprimé la totalité des pages, ça me faisait... un petit bouquin comme ça, que j'avais agrafé, mais n'importe comment, parce que les agrafes n'étaient pas assez grosses. Et le bouquin traîne encore chez moi, et mon petit frère s'en sert pour la version PC. C'est cool. Ça, c'est quand même cool. Par contre, il est dégueulasse, faut pas chercher. Mais Oui, non, mais depuis le temps, oui, je veux bien le croire. Non, mais déjà, à l'époque, ça ressemblait à rien. Tales of Symphonia. Donc, si on a. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Du coup, merci Colette pour. Merci beaucoup, oui. La présentation de ce Tales of. Je pense qu'on a rempli notre grille habituelle de tous les podcasts. Non, Moa, tu peux dire Everdrive, s'il te plaît. Everdrive. Voilà. Sachez qu'un Everdrive Super Nintendo coûte plus cher que la NES Mini. Que la SNES Mini. Bon, je crois qu'on est bon. Là. Il me semble, oui. Putain, ouais, les solutions imprimées, ça me rappelle tellement de souvenirs, ça aussi. Mais oui, mais on en reparlait avec je sais plus qui il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y ai. Oh, quand j'allais carrément moi, au cybercafé sur l'étage IV, télécharger l'étage IV, puis ensuite chez un pote pour le faire imprimer les solutions qui m'intéressaient. Oh là là là là. Et moi, ça me rappelle le guide d'FF9, donc on va parler d'autre chose. Ah oui, aussi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le guide d'FF9 était incomplet, il fallait le télécharger le reste sur internet. Ah la gueule, c'est le guide officiel où il manquait la moitié. J'ai plus hardcore que vous. Ah. Les tips sur Minitel. Bah, le 3615 étage IV aussi. Voilà, oui, voilà, totalement. Aussi, par exemple, parce que je connais l'étage IV, moi, mais il y avait peut-être d'autres trucs. Il n'y avait totalement pas de Minitel, et du coup, en fait, la poste. C'était chez un pote, discrètement. Et vas-y, c'est bon. Quoi ? Je crois que ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Oui. Donc c'est pas grave. Je disais juste que voilà, j'avais embobiné quelqu'un en lui disant mais vas-y. Ta mère, elle le saura pas, je te donne 10 francs, vas-y, on va la faire. Non, mais la facture téléphonique, c'était pas 10 francs après. Mais en fait, je lui ai jamais donné, quoi. Il m'a les a jamais réclamé. Voilà. D'accord. Nous, on allait faire ça à la poste, parce que la poste avait un Minitel. Ah putain, ouais. Et ils avaient pas cadenassé. D'accord. Voilà. Bah, nous, moi, j'avais un Minitel. Voilà. Bon. Donc, bonsoir monsieur Romain. Tu arrives donc pour la conclusion de ce podcast que tu vas pouvoir réécouter avec délectation sur YouTube ou télécharger pour l'emmener partout avec toi et on t'endormir avec tout ce genre de choses. Voilà. Le lien sera avec la voix de Bion, la vidéo, comme d'habitude. Mmh. Voilà. Donc, sur le coup, hein, vu que Romain a une chocolatine de Mitrust, évidemment. Oh putain. Merci de m'y faire penser. Alors. Et donc, sur le coup, on va vous quitter jusqu'à la prochaine fois. Donc, dans 2 semaines. Donc, bon, donc Beyond vient d'annoncer sa démission. Mais le podcast reviendra quand même. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. Et on reviendra pour un podcast aussi bien préparé que celui-ci. On vous le promet. C'est notre marque de fabrique. On parlera de la Mega Drive Mini. Voilà. Mais c'était préparé, qu'est-ce que vous voulez insinuer là ? Attention. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ah, je devais faire aussi le père de Mélose. Voilà. Oh non, mais. Ah bah, on a eu le point Simpson, du coup, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Du coup, bah, le podcast est totalement complet. Ouais. Voilà, là, on a tout dit. Oui, donc bah écoutez les gens, donc le podcast du collectionneur, probablement dans 2 semaines, hein, même endroit, même heure, je suppose. C'est ça, oui. Sauf, voilà, on vous dira hein, s'il y a un empêchement. Sauf contre-indication. Voilà. Et on vous fait des bisous. Plein de bisous, les gens. Au revoir. Bisous. Au revoir. Allez, à plus. Bisous. Non, mais vous êtes mute, hein. Moi, les gens, ils m'entendent. Hein. Bon, coucou, les gens. Mais par contre, vous, on vous entend plus. Bisous.